Fait qu'on est prêt, tout le monde? Prêt, Ouais. prête, oui. Puis prête. T'es prête, ma belle? Est-ce que vous avez amené vos têtes d'oreiller? Hé, hey, ce soir, patron, est-ce que je peux me coucher plus tard que 9h? Bonjour, j'ai 14 ans, mais j'ai l'air d'en avoir 34. Ouais, je vais faire des petits macarons, on va tout manger ça ensemble. Désolé pour les Français qui nous écoutent. Ok, juste les Français, puis mes oreilles, moi. Ouais, ah, tes oreilles, oui, qui... On chantait pas tes quand oreilles. Même. Hey, hey, hey! Je prends ma plus belle voix de Sébastien et je vous dis la bienvenue, souhaite la bienvenue à l'épisode numéro 67 de l'Horreur Gamer. Ce soir, je sais pas trop comment animer ça, mais Sébastien m'a donné les rênes de l'épisode, fait que je vais faire de mon mieux. Je suis tout mêlé parce que d'habitude j'anime le bras de faire des films, mais là je suis tout mêlé parce que je veux pas faire la même chose. Mais bon, ce soir on parle de films de pyjama, de party en pyjama, les Slumber Party Massacre 1 et 2. Et en ma compagnie, mon nom c'est Jean-François Tremblay, je ne me suis même pas présenté. En ma compagnie, celui qui regarde les petites filles par les fenêtres, Sébastien Bouchard, salut! Yes, en plus avec ma bronchite, j'ai une petite voix un petit peu macro, là, tu sais. Là. Pervers! Ouais. C'est pour ça que tu m'as dit d'animer d'abord. Yes! D'accord. Celui qui aime se promener avec sa perceuse et faire des whiz-whiz partout. C'est Steven de François. Salut, Steven! Salut, Jean-François! Zip, zip, zip. Il fait des whiz-whiz avec son whiz-whiz! Oui! Et avec nous aussi, celle qui aime recevoir ses amis et se dénuder et faire des combats d'oreiller avec des plumes, Vicky Langlois. Salut, Vicky! Et tabarnak, non! C'est dénudé entre filles, c'est le fun. Oh my god, comment parce que parler. Toutes les filles font ça. Ouais, c'est j'ai hâte qu'on en parle. C'est sûr qu'on va en parler. Fait que ça, c'était un choix, ces deux films-là, de Steven. Pourquoi t'as choisi ces films-là? Tu veux-tu nous expliquer ça? Pour la simple raison rapidement, qu'on... Pour la simple raison qu'on discutait l'autre fois qu'on voudrait peut-être faire un épisode spécial sur Roger Corman. Fait qu'on a pensé... moi, j'ai tout de suite automatiquement pensé à eux parce que c'est deux films produits par Roger Corman, mais aussi parce que c'est deux films, selon moi, qui sont vraiment le fun et que, selon moi, ça leur a donné un épisode vraiment intéressant. Et parce que... Non, ça, je ne vais pas te dire, je vais attendre plus tard. D'accord. C'est cool. OK. Mais, ouais, puis qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est... On peut-tu dire... Ben, on le dira plus tard si c'est du typique... C'est typiquement Roger Corman, tu sais. Bon, un jour, j'aimerais ça qu'on fasse des épisodes, genre, où ce qu'on prend des films que lui a réalisés. Pas c'est des films ouais, que lui a ça. Produits, tu sais. On va voir la différence, voir de... Ben, je la connais un peu, je l'ai déjà vu des films de lui, mais qu'on en parle un peu plus. Puis, ben, c'est ça, je voulais dire aussi que, ben, en ce moment, on est live, comme à toutes les fois qu'on enregistre, on est live sur YouTube. Pour ceux qui nous font des dons via Patreon, ceux qu'on appelle nos boss, fait que si vous voulez faire partie de nos boss, vous pouvez vous aller sur la page de, je pense que c'est horrorgamer/Patreon ou quelque chose comme ça. Patreon.com/horrorgamer. Merci beaucoup. Et vous pouvez donc avoir toutes les informations pour comment faire pour pouvoir nous écouter live quand on enregistre nos épisodes, puis voir toutes les conneries qu'on fait en vidéo avant, pendant et après l'enregistrement. Oui, parce que là, ça reste à mentionner qu'on ben là, on est supposé être tout en pyjama, mais on se rend compte que finalement, nos pyjamas, c'est assez classique. Mais Steven a quand même un très beau pyjama. Deux pièces. Moi, écoute, quand j'avais 6 ans, c'était mon genre. Jeff, oui. Ça me fait penser que je voulais mentionner que depuis quelques temps, c'est arrivé 2-3 fois que il y a du monde qui sont venus nous parler soit par courriel, soit j'ai eu des messages sur YouTube, j'ai eu des messages sur, on a eu des messages sur notre Facebook. Des gens qui ne sont pas habitués de commenter sur notre page Facebook ou quoi que ce soit, parce que bon, on s'entend, on commence à connaître certains fans plus que d'autres. Là. Il y en a que c'est des automatismes. Là. On sait, on risque d'avoir des commentaires. Mais je trouve ça tellement le fun quand on découvre quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a jamais entendu parler, qui nous dit « Hey, vous continuez votre bon job, je vous écoute depuis vraiment longtemps. » Puis là, tu fais comme « Ah, mais tu sors de où? Venez nous dire salut. » Tu sais, ça, tu sais, ça fait vraiment du bien. Là. On parle de Patreon comme si on voulait faire ça pour l'argent, là, mais on le fait ça parce qu'on aime ça, divertir le monde, puis vous donner du stock qu'on espère que vous aimez. Fait que quand on reçoit ces commentaires-là, là, c'est de l'or en barre. Fait que gênez-vous pas pour nous dire « Hey, je suis un auditeur silencieux, mais je vous écoute depuis longtemps. » Vraiment, c'est toujours très, très, très apprécié. Puis on ne dit pas assez. Puis quand vous voulez nous contacter, oui, il y a notre Facebook, il y a tout plein de trucs. Mais sinon, horrorgamer.ca/contact. Sur notre page, il y a une façon de nous écrire des courriels. Alors, on peut nous rejoindre là. En tout cas, pour un gars qui a une bronchite, il se débrouille pas pire. Je vais me taire pendant au moins 5 minutes puis voir beaucoup d'autres. Bon, ben là-dessus, je pense que on avait-tu d'autres choses à discuter avant qu'on oui, pense? Je voulais dire, je m'excuse pour ceux qui ont écouté l'épisode de Blair Witch Project où ce que je pensais que je mutais toutes mes tout. Mais finalement, non, je me suis rendu compte que je me faisais mute juste pour Steven. Fait que là, aujourd'hui, je vais faire mute comme il faut. Ouais, fait que c'est ça, il y a quelqu'un qui écoutait l'épisode en vidéo puis qui a fait « Hey, Sébastien, on te voit peser sur mute puis tousser, mais on t'entend pareil. » Fait que ça n'a pas marché ton affaire. Je suis désolé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode quand même. Puis ben, l'épisode, justement, t'en parles, il est sur YouTube en vidéo puis il est aussi en audio sur notre site et sur iTunes puis toutes les autres places. On a fait une exclusivité. D'habitude, les vidéos sont exclusives au Patreon, mais cette fois-ci, on voulait le rendre disponible à plus de gens. C'est assez rare qu'on fait des trucs spéciaux comme ça. On voulait comme en faire profiter plus de gens. Puis si vous n'avez pas vu le film, ben c'est pas grave. Vous pouvez écouter la première partie de l'épisode. Il n'y a pas de spoiler, il n'y a pas de révélations qui sont faites. Fait que, yes. Il y a une partie avec spoiler par la suite. Y a-t-il des spoilers aujourd'hui? Non, de Blair Witch. Pas cet épisode-ci, mais l'épisode qu'ils ont fait de Blair. OK, là, je suivais plus. Là. Fait que, ben, c'est ça. Moi, je voulais dire aussi un petit message à Sylvain. Désolé, je fuck le September pour ce soir. Je bois ma première bière à la citrouille de la saison. Parce que ceux qui ne comprennent pas, ouais. Ceux qui comprennent pas, Sylvain c'est Sylvain Démenti. Fait un septembre sans alcool. Et donc, non, mais fuck that, là. C'est ça, exactement. Non, moi, Sylvain, je suis avec toi. Je m'achète pas de bière parce que je sais que vous buvez pas. Puis là, tout d'un coup, JF a une bière. Fuck that. Mais je sais, même moi, je suis à liqueur. Puis JF, il boit de l'alcool. Je comprends plus rien. Ça va m'aider à animer puis à bafouer encore plus. Puis, Se tape sur les doigts. Fuck you, JF. Fuck you. Check comment c'est crédible quelqu'un qui fait fuck you en pyjama. Fuck you. Dans pas long, là, je vais perdre mes mots. Je vais bafouiller. Puis ça va être encore pire que d'habitude. Fait que là-dessus, on va aller sur la petite madame qui crie. Petite madame qui crie. Et on commence avec le premier volet de cette trilogie d'enfer, The Slumber Party Massacre de 1982, réalisé par Amy Alden Jones et scénarisé par Rita Mabrown, qui met en vedette plusieurs jeunes filles qu'on ne connaît pas vraiment bien leur carrière. Et ça raconte l'histoire assez simpliste de Trish qui va en profiter... Durant un week-end, alors que ses parents s'en vont, je ne sais pas trop où, je me rappelle même pas s'il le spécifie, mais elle va en profiter avec ses amis d'école pour organiser une espèce de party pyjama à la maison. Mais Party filles, pyjama, tête d'oreiller, pizza et tout le kit. Mais malheureusement, manque de bol, on a un petit rescapé d'un asile qui s'est échappé puis qui se promène avec sa grosse perceuse à vouloir faire des trous chez les filles. Fait des trous chez les filles. Wow. le film, wow, c'est ça. Excuse-moi de ça. La perceuse, je pensais qu'il la pognait dans le char dans la grosse vanne blanche, moi. Ouais. Fait que c'est pas un tueur à la perceuse avant, c'est juste un tueur puis il devient la perceuse après. Ben, on sait pas, peut-être que dans le passé, il aimait les perceuses. OK. Ouais, ça travaillait chez Rona. OK. D'après moi, de l'allée des marteaux à l'allée des perceuses. Ouais. Promotion! À longtemps que ça fasse un beau trou, je pense que ça le satisfait. Je dis ça de même. Mais ses motivations sont pas non plus ce qui est le plus important dans le film, je pense. Tuer des gens. Exactement. Tuer des gens. À noter que, juste ce petit fait intéressant, les initiales des films, c'est SPM. Ça me fait rire. Oh, Dieu. Oh my god, c'est ben trop hot, ça. Qui veut commencer avec sa critique? Oh! Je demanderais Steven. Plus d'enthousiasme quand je demande un volontaire. C'est Steven, non? Steven, ah. Ok, vas-y Steven. J'ai fait le résumé, moi je l'ai. Il est bien parti en tout cas. Moi qui pensais commencer être le 2. Ah, ok. Ouais, vas-y, parle de ton film. Ok, je parle de Slumber Party Massacre. Ben moi j'adore Slumber Party Massacre sans aucune surprise. C'est un slasher que j'affectionne beaucoup parce que c'est un slasher qui se démarque des autres, chers amis. Un peu moins que le deuxième, mais celui-ci se démarque pareil. Parce que oui, c'est un slasher réalisé par une femme, mais aussi scénarisé par une femme. Et avant tout, au départ, le film s'était supposé être une parodie du slasher. Fait que... ça en est encore une. Ben ça, plus ou moins, on va dire. Parce que le film, finalement, il va être traité de manière quand même assez sérieuse. Là. Par moment, on est dans un slasher quand même assez typique. Mais on peut entrevoir justement le côté parodique du scénario qui était écrit au départ parce que tous les clichés du slasher sont bien présents ici, mais sont comme accentués plus haut, que ce soit la nudité, que ce soit la représentation du tueur qui est loin d'être subtil. Là. À un moment donné, on a carrément un plan entre ses deux jambes avec la drill qui tourne. Je veux dire qu'il représente très bien son pénis, on se le cachera pas. Puis la stupidité des hommes en général dans le film. La stupidité des hommes également. Les rôles sont inversés parce que d'habitude, c'est les femmes qui jouent ces rôles-là dans les films de slasher. Ça. Puis il y a aussi dans les dialogues qu'on peut souvent des fois entrevoir des petits trucs assez drôles. À un moment donné, t'as les deux garçons qui sont dans la chambre pour essayer de décider qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour sortir et échapper au tueur. Puis il y en a un qui dit, ben, on pourrait essayer de courir pour aller chez la voisine. Ouais, mais d'un coup, qu'on se fait rattraper. Ben, gars, on a juste à séparer. On va chacun de notre bord. Puis même s'il y en a un qui se fait tuer, c'est pas grave. Il y en a un qui va se rendre pareil à une place. C'est totalement ridicule qu'elle ait dit ça. T'es comme, tu miaises-tu? Vous venez sûrement de vous dire ça. Non, mais c'est vraiment drôle. Oh oui. Ou même La loterie de la vie. Ou même la première scène du film qui se trouve sur la fille que son cadran sonne. Je sais pas si vous avez écouté comme il faut à la radio, mais tu sais, t'as le gars qui fait tirer un cadeau. La fille, elle gagne, elle est comme toute excitée. Ouais, c'est quoi je gagne? Puis comme vous gagnez un merveilleux t-shirt de la station de radio. Hein? Mm-hmm. T'entends vraiment la fille comme hein, full déçue. J'étais comme, on est-tu dans une comédie airplane, là, un peu? Là? Ça me faisait rire, ça. Suite après, à toutes les fois qu'il ouvre la radio, c'est tout le temps « il y a un tueur ». Ben moi, ce que j'aime de Slumber Party Massacre, c'est que à la fois, oui, c'est un film qui se veut quand même féministe, pas forcément exploité au maximum, on peut ressentir les effets de tout ça, mais c'est aussi en même temps un vrai bon slasher qui donne tout ce que tu veux en temps normal dans un slasher, mais en plus, comme je dis, la nudité est comme... extrêmement abusif là-dedans. T'as une scène de douche dans l'école où que la caméra va littéralement faire un long plan du haut jusqu'en bas au ralenti pour qu'on voit comme il faut les seins, les fesses. Et ensuite, on passe à l'autre fille et c'est la même chose. Fait que pour ceux qui sont en manque de tétons, ben Slumber en donne en masse. Mais aussi parce que le film possède vraiment une bonne ambiance des années 80, une bonne petite atmosphère avec son soundtrack très synthétiseur qui fait très lugubre. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça fait cheesy, mais en même temps, ça fonctionne avec le style de film de ces années-là. J'aime beaucoup son tueur qui, tu sais, en temps normal, on a tout le temps un tueur iconique avec soit un masque ou de quoi comme ça ou un gros background ici. C'est un esti dude nowhere. Qu'on sait rien de lui, puis il a vraiment l'air d'un gars bien ordinaire, là, qui court partout avec sa drill, puis il a pas vraiment. Tu sais, tu vois même les moments où, un coup, il a tué la fille dans les codes, il part courir jusqu'à son camion comme un nerd, il a checké un peu partout. Tu sais, c'est le genre de truc que tu vois pas dans un slasher. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. On dirait que c'est le gars qui travaille chez Rona. Il a vraiment de l'air de n'importe qui. Moi, il me faisait un petit peu penser au tueur dans Blood Feast, à Fouad Ramsès, dans son apparence, là, puis son côté un peu banal, tu sais. En tout cas. C'est une référence obscure que personne ne se rappelle, on dirait, mais... Non, malheureusement, je ne m'en rappelle pas. Okay. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Oui. Classique, oui, Jeff, t'as raison. Classique d'Herschel Gordon Lewis. Oui, Jeff, t'as raison, tout le monde. Hein. Vicky, t'étais dedans. Oui. Steven, Jeff a raison. Oh non, Jeff a tout le temps raison. Oui, toujours. Toujours raison. Puis le... Je suis pas Jeff. Le film aussi est quand même bien rythmé, tu sais, pour un film de 1h17, je trouve que les scènes de meurtre puis le rythme se tient quand même bien de la balmage. Moi, je m'emmerde jamais à chaque fois que je le revois. Puis à partir de quand le tueur commence un peu à massacrer tout le monde dans la maison. Je trouve que les enseignements sont vraiment cool et drôles. Parce que on va y aller un peu dans les spoilers. J'imagine que même si c'est pas des gros spoilers en termes de meurtre, ces choses-là, pour ces films-là. On se laisse aller? Oh, ouais, c'est juste à dire qu'il y a une fille qui... Ben, tu sais, t'as le livreur de pizza. Tu sais, que ça sonne à la porte, puis c'est comme... Moi, je m'attendais zéro à ce qu'il soit mort en ouvrant la porte, mais ce qui est vraiment drôle, c'est que le gars, il a plus d'yeux, les jeunes sont en train de paniquer, tout ça. Non, mais puis juste avant ça, quand il cogne à la porte, puis c'est comme, ça coûte combien? En fait, en anglais, c'est comme, c'est quoi le compte? 6 jusqu'à date. Mais tu sais, c'est le tueur qui dit le nombre de morts. <C'est t'sais. vrai. rire> Ah ouais, ouais, j'avais pas remarqué. Ouais, il dit 6 ouais, so far. Ben écoute, c'est ça, j'avais compris, 6 so far, puis j'étais comme, ah, mais c'est pas le montant, qu'est-ce qu'il dit là? Ok, c'est bon. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ensuite, quand les jeunes décident de se barricader avec le cadavre à l'intérieur, ben il y a deux filles qui sont comme « Hey, moi, je meurs de faim! » Elle dit « J'ai froid! » »« J'ai froid, puis je meurs de faim! » La pizza, est-tu froide, elle? Ouais, ce bout-là, t'es comme « What? » C'est à peu près le seul bout dans le film, parce que tu dis, il y en a une qui est gelée, là. Tu sais, ben, gelée parce qu'ils ont fumé du pot, là, tu sais, là. Mm-hmm. Elles sont un trip bouffe, là. Non, mais c'est les petits détails... C'est pas de logique. Non, mais c'est ça, mais c'est ces petits détails-là que tu piges, ben tu vois encore les traces du scénario original, de la parodie. Tu sais, ça paraît que c'est ça, c'est juste que c'est traité avec du sérieux, mais étonnamment... La scène du frigidaire. Mm-hmm. La scène du frigidaire, oui, c'est avec, c'est typiquement humoristique, mais encore là, c'est traité avec sérieux. Mais ce qui est drôle, c'est que même si c'est traité avec sérieux, je trouve que le film arrive à garder une balance quand même réussie entre ça, entre les moments ridicules puis le slasher sérieux. Puis la confrontation finale... Avec le tueur, je l'adore, elle est vraiment excellente. Elle est super au voir de top gore. Je trouve elle super satisfaisante. Puis j'aime vraiment un peu le genre de double final goal, si on veut, quelque sorte. Je trouve ça vraiment nice. Sinon, j'ai pas vraiment forcément d'autres choses à dire. Je vais essayer de vous en laisser. C'est quand même un slasher, là. C'est pas le genre de truc qu'on écoute pour son histoire ou ses péripéties. Mais moi, slasher Summer Party Massacre, c'est vraiment un slasher que j'aime beaucoup et qui contient tous les éléments que j'aime dans ce genre-là. Parce que je suis un fanatique de slasher, puis je sais que c'est un peu le mouton noir de l'horreur. Puis je l'avais déjà mentionné un peu dans le bras de faire des films dernièrement. Mais moi, c'est comme du fast-food. Là. C'est comme une zone de confort, écouter un slasher. Là. Je connais la sauce, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais... J'aime ça, j'accepte ces clichés, j'adore ces clichés, puis moi je passe vraiment des moments fabuleux avec ces films-là. Puis Slumber Party Massacre, ben, il livre quand même très bien la marchandise. Et étonnamment, visuellement, le film tient très bien la route. Je l'ai en DVD et en Blu-ray, ça vous donne déjà une idée. Mais le Blu-ray est remasterisé, puis honnêtement, le film a vraiment de la gueule visuellement. Les totons sont très très beaux. Très beaux, tu peux voir les détails. Il y a du pointu là-dedans, il y a du pointu là. Il y a un grain de beauté, là. Mmh. Mais t'as juste deux copies de ce film. C'est pas beaucoup. C'est sûrement un coffret qui s'en vient, puis voilà le poignet. Oui. Non, c'est assez. Là, j'ai déjà un coffret, puis j'ai le premier. C'est assez. Ben, si t'as terminé, Steven, moi, je continuerai avec tu sais, je suivrai ta critique dithyrambique avec quelqu'un qui a l'air de s'en colisser totalement, puis qui se lime les ongles, pendant puis qui fait une face de jaillir, ce film-là. Vicky Langlois. C'est pas tant que j'haïs, mais je pense que je vais te voler une réplique, Jeff. C'est le genre de film que c'est le plus fun d'en parler que de le voir. Vous reparlez des scènes, je disais « Ah, c'est vrai que c'était bon, ce bout-là. Ah, c'est vrai que c'était drôle, ça. » Mais au bout du compte, je me suis emmerdée dans ce film-là, ou même frustrée à certains points, parce que je trouvais, et là, c'est vrai, c'est pas un mauvais jeu de mots, là, c'est vraiment l'impression, un coït interrompu. Je trouve que le nombre de faux meurtres, le nombre de fois qu'on fait un saut, puis finalement, c'est une fille. On fait un saut, puis là, c'est la star. On fait semblant qu'elle est morte, finalement, pas morte. Le petit chat, tu sais. Je trouve qu'il y a plein de moments, moi, personnellement, Steven, il sera pas d'accord, mais je trouve qu'il y a plein de moments mal exploités. Parce que je trouve que, justement, on aurait pu... Je sais pas, je trouve qu'il y a trop de moments où on aurait pu faire quelque chose, puis on l'a pas fait. Où on s'est, pas censuré, mais on s'est arrêté à... Peut-être vouloir parodier, comme tu disais, le slasher, puis on s'est dit « Ah, ça va être plus drôle si on fait ça », mais rendu à la troisième fois où on met une main derrière la caméra qui pogne une épaule, puis « Ah, bang, c'est finalement pas le tueur, c'est quelqu'un d'autre ». La fille qui sort, justement, je pense que c'est le chat, puis elle voit le truc dans le parc au loin, puis finalement, il y a rien. Tu sais, je trouve que ça arrive vraiment trop souvent. La jeune sœur qui me tombe sur les nerfs totalement, qui ne sert absolument à rien à part à me gosser, puis elle fait semblant d'être morte, finalement elle est pas morte, ça sert à rien, c'est pas drôle. Moi, je l'ai pas trouvé drôle. Tant qu'on est dans sa sœur, parce que je veux pas reparler de la sœur rendue là, mais Elle a quel âge, cette actrice-là, puis elle a quel âge, le personnage? Le personnage est supposé avoir 12 ans. C'est impossible! 12 ans? Non, mais 12 encore ans. Parce que le deuxième film se passe 5 ans plus tard, ouais, puis elle a 17 ans. Exact. Mais tu sais, tu peux pas, là, elle frôle la trentaine, cette actrice-là. Ben, c'est un petit peu exagéré, mais oui. Mais en tout cas, tu sais... Encore là, s'entends-tu que ça doit être voulu encore pour fêter justement c'est, et toutes c'est, les... C'est quelque chose qu'on... C'est un trope, tu sais, qu'on voit dans tous les films depuis les années 50 facilement quand tu vois des adolescents, tu sais. Oui. Il y avait du monde de 30 ans qui jouait d'adolescents. Dans Grease, ils ont tous au-dessus de 30 ans, tu sais, dans Grease de 78, oui. Tu sais. Dans Watatata aussi, là. Je comprends ça, mais là, je trouve que c'est mal assumé. Dans le sens où être avec sa sœur qui lui brosse les cheveux puis ah j'espère que je vais être belle comme toi quand je vais être grande t'es comme Chris t'es comme ben oui on danse tu avais le même âge c'est ça que je veux dire par ça me gâche. Je trouve que je comprends qu'on a peut-être pu faire une parodie mais soit elle a pas été assez assumée soit elle a été mal faite mais je trouve qu'on danse tout le temps entre deux personnages j'ai vraiment trouvé que on n'a pas pleinement assumé la parodie parce que entre autres j'ai trouvé que le tueur était vraiment efficace, vraiment excellent dans son rôle de tueur. Tu sais, la drill entre ses deux jambes qui fait penser à son pénis, quand il s'en va vers la vanne, puis il est tout chamboulé d'avoir tué. Moi, je l'ai trouvé vraiment efficace. Tantôt, c'est quoi t'as dit, Sam? T'as dit genre une affaire de « je vais te tuer ». Ben, t'as dit plus de mots que lui dans tout le film, puis on voit souvent le visage. Ça, j'ai trouvé ça vraiment audacieux qu'on voit le visage du tueur. Puis tu sais, de plein... I love you. Ouais. C'est... sa plus grosse phrase, c'est « I love you, t'es vraiment belle ». Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai vraiment aimé qu'on on assume le tueur, qu'on le cache pas. Ça, c'est très rare dans les slashers, parce que soit c'est un peu un monstre, soit il est caché, puis c'est un peu done it. Ouais. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai trouvé que le film tombait dans des creux vraiment trop souvent. T'sais, vous autres, vous avez trouvé la passe du frigo drôle, moi, elle m'a tombé ses nerfs. Pour la mettre un peu en scène, là, c'est les filles, ils veulent « Ah, j'ai faim », fait qu'elle ouvre la porte, finalement, il y a un cadavre, puis là, « Ben non, t'as pas le droit d'ouvrir la porte », elle referme la porte, « Ouais, mais j'ai vraiment faim », elle rouvre la porte, « Non, mais on n'est pas chez nous, ferme la porte ». Ben, c'est ça, pendant qu'elle regarde pas dans le frigidaire. Moi, personnellement, je l'ai pas trouvé drôle. J'ai trouvé ça lame, j'ai trouvé ça con. Je trouvais qu'une fois, c'était suffisant, mais qu'on retrouve la porte deux puis trois fois, j'ai fait « Ok ». La règle de trois en humour. Ouais, c'est ça. Ils font juste deux fois. Non, ben la troisième fois, c'est tout le temps. La règle de trois, c'est que quand tu fais un gag comme ça, tu le fais trois fois, puis la troisième fois, c'est une variante. Mm. Fait que dans le fond, la troisième fois, c'est quand t'as tombé. Ben c'est ça. Fait que bref, moi, j'ai trouvé ça. Je me souvenais à peine du film, je l'ai écouté cette semaine, puis je me souvenais à peine du film. La seule chose que je me souvenais, c'est qu'il avait investi plus dans le sang que dans les sous-vêtements. C'est assez incroyable. Le film ouvre sur une scène de nudité. Moi, je me l'étais démarré à la capsule en après-midi, puis j'ai fait « Ouais, finalement, on voit l'écran un petit peu de la rue, c'est peut-être pas une bonne idée. » On y va vraiment à fond, là. On se gêne pas dans la scène de poitrine puis dans l'exploration du corps féminin. On y va de tous les sens et de tous les angles. Est-ce que c'est bon? Bon, c'est l'angle d'attaque du film. C'est ce qu'on a voulu faire de ce film-là. J'irai pas critiquer si c'est con ou pas. Je pense que c'est la décision qui a été prise de le faire, mais moi, je trouve que ça, en même temps, ça rajoute au film parce que ça lui donne un air un peu joie de vivre, un peu léger, un peu foufou, tu sais. C'est rigolo, mais au bout du compte, moi, je me suis pas attachée. Je me suis pas attachée à aucun des personnages. Je me souviens même plus, il y a deux filles qui se battent au début dans un terrain de basket. Je me suis jamais souvenue c'était lesquelles des deux. J'ai jamais fait de lien. Je les cherchais. J'étais comme, c'est lesquelles déjà? Mais c'est pas le genre de film que tu t'attends à s'attacher au personnage, honnêtement, là. Ben, je sais pas. Moi, dans les slashers, je m'attache toujours au personnage, puis je suis déçu quand il meurt, même si je sais qu'ils vont mourir. Ah ouais? Ben oui. Ah, mais, dans moyen ou deux, là. Il y en a tout le temps un ou deux qui se fait comme ça, j'aimerais ça qu'il t'offre. Je veux dire, dans, mettons, pourquoi j'ai Crystal Lake, là? Friday the 13th, je pense que c'est le 2 ou le 3e, qu'il y a un immigré qui paye avec des coupons, puis son ami qui... C'est le 3e, tu sais, je me suis attaché à ces personnages-là, moi. Ouais, mais en fait, c'est plus dans le terme slasher greenhouse que je me dis que c'est assez rare qu'on s'attache à des personnages. C'est comme P6 là, en tant que tel. Ah, j'ai pas vu P6, moi. Ah, tu manques de quoi? Je sais, hein. Je suis convaincue d'ailleurs. Mais non, c'est ça, okay. C'est que je sais pas. Moi, je trouve que tu devrais t'attacher au moins à deux personnages de chacun des sexes pour ne pas trop savoir c'est qui le Vinyl Girls, me semble. Tu sais, il est censé avoir un Joker, il est pas censé avoir un comic relief dans un slasher. Là, je ne l'ai pas. C'est les deux gars, j'ai eu l'impression que c'était les Comic Relief. Ah, oh, ouais. Ouais, tu sais, le fait qu'ils regardaient, qu'ils étaient un peu... ouais. Ils étaient juvéniles, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Peut-être. En tout cas, moi, je me suis pas attachée au personnage, puis ça m'a pas... le seul personnage que je me suis attachée, c'est la fille qui faisait la construction au début. J'étais comme, go girl, mais tu meurs tout de suite. OK, c'est pas chiant. Mm-hmm. Fait que non, c'est pas un film qui m'a accroché du tout. Mais là, juste avant qu'on parce que je pense qu'on va passer à quelqu'un d'autre, là, Vicky, il faut qu'on te pose la question. Est-ce que ça ressemble à ça, des pyjama party de filles? Zéro. Fuck off. Quoi? Vous n'êtes jamais toute mamie tout nue, pas de brassière? Vraiment pas. Mais en même temps, je vais le pardonner à ce film-là parce que j'ai pas senti dans ce film-là que c'était de l'innocence. J'ai pas senti que c'était « Hey, ça doit être de même que ça... » C'était pas un fantasme. J'ai pas senti que dans la mise en scène, c'était un fantasme. J'ai senti que c'était une exagération. C'était pris au ridicule. Ouais. Mais je peux vous le dire tout de suite parce que moi, je suis une fille pas gênée du tout, puis... hier, fallait que je me change de pantalon, puis je me suis mis dans un coin du local parce que t'sais, la porte était débarrée, mais je m'en crie sur quelqu'un. Mon partner fait « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Ben, faut que je me change de pantalon, faut que je surveille au cas où quelqu'un rentre. » Il me dit « Mais tabarnak, si quelqu'un rentre, il te voit en bobette. » Ouais, mais je vais pouvoir dire allô, moi. C'est comme, je suis vraiment genre zéro. Moi, j'ai pas de pudeur. J'ai fait du théâtre pendant des années, puis je me change. Toutes les filles se mettaient dans un petit recoin. Moi, je peux me changer direct sur la scène. Hein. Ouais, manque au lisse, regarde-moi, tu vas m'oublier, non? Puis, c'est pas, tu sais, j'ai pas de pudeur. Fait que moi, dans les parties de filles, je peux sortir des salles de bain, puis zipper mon pantalon. Puis, pour vrai, je peux avoir créé des malaises à faire, hey, moi, man, j'enlève ma brassière, j'étais curée en plein milieu d'une partie de filles. Puis, de faire comme, OK, qu'est-ce qu'elle fait? Fait que pour vous dire que c'est vraiment pas comme ça. C'est vraiment, vraiment pas comme ça. Des filles, c'est très prude, c'est très gêné. Des filles, entre elles, ça se compare énormément. Énormément. Ça se regarde les vergetures, puis tous les petits détails. Puis moi, j'ai un cul de même, puis elle a un cul de même. Fait que je peux vous garantir que des filles ne seraient jamais à l'aise avec leur corps au point de faire ça. C'est pas parce que on n'est pas game de le faire. Chum, on peut le faire, un se battant, mais jamais de filles vont se mettre tout nues comme ça devant leur ami parce qu'ils vont se sentir trop jugés puis regardés. C'est tout le temps présenté comme le fantasme des hommes, je trouve, dans les films d'horreur. C'est comme les scènes qu'on voit surtout, mettons, dans Slumber Party Massacre, c'est qu'est-ce que les hommes s'imaginent que c'est. C'est ça. Il y a un film, je sais pas si vous vous rappelez, le film avec Tom Green, La Virée. Ouais. À un moment donné, il y a une scène comme ça, ça se passe dans des douches ou en tout cas, puis il y a plein de filles tout nues, puis il y a quelqu'un qui fait comme, ben voyons donc, c'est pas de même que ça s'est passé, puis c'est Tom Green qui raconte l'histoire, puis il fait comme, regarde, je le sais, mais moi quand je raconte l'histoire, toutes les filles sont tout nues. Je trouvais que c'était exactement ça, tu sais, c'est comme, exactement. OK, fait que là c'est une scène, toutes les filles prennent leur douche, OK, fait que là ils sont toutes tout nues, puis ils se regardent toutes, puis ils sont toutes à côté, puis oh, il se passe le savon. Ils se font un party, ils sont toutes tenues. T'sais, ouais, non, mais c'est pas de même que ça se passe. C'est pas grave, dans ma tête, ils sont toutes tenues. Ça me fait penser, c'est différent, mais ça me fait penser à quelque chose. On a parlé, moi puis Steven, il y a pas longtemps, du film Une nuit à McCool, là, qu'on a pas revu depuis des années, là, mais avec Liv Tyler, où tu avais plusieurs gars qui racontaient la même nuit, la même anecdote, mais de différentes façons, selon qu'ils voyaient le personnage de Liv Tyler, puis à chaque fois, elle était genre une séductrice ou une fille gênée, ou une, tu sais... Fait que ouais. C'est intéressant ce truc-là de voir les choses à travers les yeux du gars et de son désir et tout ça. C'est cool. J'avais quasiment oublié que c'était une scénariste et une réalisatrice féminine. Puis on me dit ça, puis je suis comme, ben c'est quasiment plus logique parce que c'en est tellement ridicule que c'est comme si on disait, voyons, tu vois bien que ça se peut pas. Tu vois bien que c'est pas normal, tu sais. Moi, est-ce je trouvais que cette scène-là créait un... Ben voyons, vous voyez bien que ça se fait pas de même, tu sais. Ouais, ben est-ce que ça sonne genre... Tu parles genre, exactement de quoi dans la scène, là? Tu parles exactement de quel... Ben, il y a vraiment un moment où elle enlève son T-shirt pour mettre son T-shirt de ouais, nuit, okay, là. Puis elle change de T-shirt. Ouais. Je connais aucune fille qui ferait ça. Sérieux, là, les filles, on a développé une tactique pour enlever nos brassières, s'enlever nos chandails. Ah, oui. Les gars, vous avez tout vu votre blonde faire ça. Ben oui. Bon. Oui. Mais je connais aucune fille qui enlèverait son T-shirt au grand complet pour s'en mettre un autre devant ses amis. Aucune. Elle se tournerait au moins de dos, tu sais, là. À limite, hey, là. J'étais allée à Toronto, il y a 2 ans, avec 4 de mes meilleurs chums, puis je suis sortie de la salle de bain avec une serviette, puis les filles ont fait ils ont eu un break. Je suis comme, tabarnak, je viens de ressortir de la douche, là. Mais non, les filles, c'est pas à l'aise avec la nudité d'une autre fille. Ça l'est pas. Oubliez ça. Le film est là pour te... Et là, pour te faire réaliser vraiment que ces clichés-là sont vraiment stupides, fait qu'ils ils engrossissent. Puis j'en suis conscient qu'ils sont stupides, mais je les aime comme ça. C'est comme, le film me donne ce que je veux. Non, mais c'est vrai, le film donne ce qu'on veut avec un slasher. Mais non, mais yo va sur des boobs. Mais tu sais, c'est ça, c'est que le film, non seulement il va te donner des scènes, puis il t'en donne à profusion, mais il va te le donner de les façons les plus absurdes. Tu sais, parce que tu vois, même en tant que gars, tu fais comme, ah ouais? Moi, tu sais, d'habitude, dans les scènes, quand tu vois des scènes dans les films, tu fais comme, ah ben cool, ça, ça, il était beau. Mais là, à ce moment-là, j'étais comme plus, quoi? En tout cas, il n'y avait pas un malaise, mais il y avait un sourcil surélevé, puis je me disais, voyons donc, pourquoi vous faites ça, là? Ça n'avait pas de sens. Mais tu as ton opinion, Sébastien, du film, ou... Non, je pense que je vais préférer commenter tout le long puis ne pas donner mon opinion à la fin pour pas avoir à faire un long monologue. C'est plus facile quand je fais des petites interventions. D'accord. Des petites interventions. T'avais-tu fini, Vicky? Je saupoudrais. Puis, hey, Vicky, il y a un truc que tu disais par rapport au tueur, ses agissements, tout vraiment très gars naturel. J'aime vraiment à la fin quand il y a une des filles qui sort du sol avec une machette, puis quand il avoue, il est comme, oh fuck it, il décrisse parce qu'il y a la chienne sur le cou, là. Tu sais, tu vois, arriver avec une machette, c'est pas tous les tueurs, il serait comme, il est temps, c'est une fille, il y a rien là, là. Il est super naturel, le tueur, pour vrai. Mais tu sais, pour dire des trucs que je trouve que c'est invraisemblable, puis ça en est venu lourd, la prof qui débarque au party. Eh hey, oui, toi. Pourquoi? Il fallait juste la tuer, genre, c'est ça qui m'a gossé. Exact. C'est ça que je veux dire par. Ah, oh, mais on s'en fout de ce personnage-là. Pourquoi vous la rajoutez? Ouh, fucking ça prend des cares. Tu trouves pas logique. Tu trouves pas logique que la voisine l'a appelé et qu'elle a dit je m'inquiète pour la gang à côté. J'entends plus rien. Ouais, puis là, ben moi, là, si j'avais été la prof, j'avais fait ben écoute, si tu t'inquiètes vraiment, appelle la police ou va voir. Ben oui. Je sais pas. C'est une petite idée, je connais bien. C'est la coach de basket, je sais pas. T'sais. Elle est proche d'eux autres. Ouais. Je sais pas. Ça pourrait. Je sais pas. Moi, j'ai de la misère à croire qu'une prof débarque demain dans un party. C'est pas juste une prof, c'est une coach de basket. C'est différent le rapport. Ouais, t'as raison, c'est sûr. Une coach de sport, là, tu vois. Je sais pas. Okay. Je fais juste. J'ai jamais écoute, fait là, de Jeff sport. Est en train de défendre le film. Moi, je suis heureux. Fait que continue, G. Non, mais Vicky, t'avais-tu terminé? Je veux pas prendre. Oui, vas-y. Ben, c'est un drôle de film. C'est un film hybride, selon moi. Premièrement, tu sais. Juste regarder le film sans savoir rien autour. Regarder le film, je trouvais que c'était une expérience bizarre parce que j'ai pas vraiment apprécié mon expérience, mais en même temps, il y a des trucs que j'ai aimé parce que, contrairement à Vicky, moi, je me suis attaché au personnage. J'ai aimé les filles. J'ai aimé Trish, le personnage principal qui donne le party. J'ai aimé Valérie, la voisine qui est pas invitée. J'ai aimé tout. Tu sais, les filles, j'ai trouvé naturelles. J'ai trouvé que les discussions qui sonnaient naturelles pour moi, ça parle de basket, ça parle de. Oui. Tu peux pas avoir aimé Courtney, là. Non, non, mais je te parle pas de Courtney, je te parle de Valérie. Non, mais je sais, mais... préciser les filles. Mais c'est qui? C'est la petite sœur? C'est la petite sœur. C'est la petite sœur. On s'entend, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a aimé la petite sœur? Non. Hey, man, des plans pour qu'ils mettent des bretelles puis un gros nœud papillon pour être sûr qu'elle soit... Non, excuse-moi, c'est pas ça. C'est quand elle suce un esti de gros suçon des années 50. Oh. Ça, c'est le top. Là. Mais encore là, c'est... Elle regarde le Playgirl puis elle fait des « «euh» » en voyant des gars avec des, gars, des fesses. Là, c'est comme c'est ça, le suçon. Ouais, c'est ça que j'allais dire, le suçon. Stallone. J'avais oublié le suçon, mais j'avoue que c'est n'importe quoi. J'étais là, « «I mean, le suçon». ». J'ai pas vraiment focusé là-dessus, moi, honnêtement, ça m'a pas dérangé, peut-être, c'est sûr, comme je dis, Grease, puis tous ces films-là, on a tout envie des adultes, fait qu'honnêtement, j'ai pas vraiment... Mais, tu sais, c'est vrai que vous le dites, puis ça fait vraiment con, là, mais... Mais les actrices sont correctes. Les actrices sont correctes. J'ai aimé... Je trouvais que la nudité bizarre dans le film... Je parle de mes premières impressions avant de connaître l'histoire du film. Puis après ça, je vais parler d'autres affaires. Mais la nudité, je trouvais ça bizarre, surtout que c'était réalisé par une femme. J'étais comme, OK, elle passe vraiment beaucoup de temps sur le derrière des filles, sur le sein, puis tout. Ouais. Surtout la travailleuse au début qui se fait attaquer la première. On voit un gros plan sur ses fesses, les deux gars qui regardent, puis on voit un gros plan sur ses fesses. À la limite, ça, c'était celui-là qui était le plus justifié, parce que tu vois deux gars, ils la regardent, gros plan sur ses fesses, comme pour regarder. Regardez, on est à travers le regard des gars, puis c'est des machos, sont c'est macro, ça. Et ils aiment ça regarder les filles. Le cadrage, il se fait mal à ce moment-là. Parce qu'elle rajuste la caméra comme sur le trépied, on dirait, pour que la fille, on y voit encore le cul. Oh, après, oui. ça m'avait mis... Le pire, c'est quand même celui qui parlait, Vicky, là, dans les douches. Là. C'est Vicky, non, c'est Steven qui en parlait. Là, les douches, que tu vois vraiment les pannes. Dégueulasse. La douche, puis tout ça. Puis, le tueur, sur le coup, je l'aimais pas, moi, personnellement. Je le trouvais plate. J'étais comme, ils sont vraiment pas forcés. Il y a pas de masque, il y a rien, c'est idole. Il me faisait penser justement au gars de Bloodfeast qui me fait pas triper tant que ça. J'étais comme, non, c'est weird. Ah! Mais... Excuse-moi, ouais. J'avais mal compris le titre tantôt, mais là, je comprends Bloodfeast. Oui, t'as raison, Sébastien, je comprends. Jean-François, je comprends. Et il fait penser un petit peu à lui, tu sais, dans son look, là, dans son attitude, tout. Puis, mais c'est ça, il y avait quelque chose que j'aimais dans ce film-là, puis en même temps que j'aimais pas, je le trouvais un petit peu long malgré son 1h15, je le trouvais un petit peu plate, j'étais comme, mais il y a quelque chose que j'aime, puis je comprends pas trop pourquoi. Puis après ça, je me suis mis à lire là-dessus. Puis c'est ça, c'est un film bizarre parce que j'ai pas tant trippé sur le film que j'ai... triper sur, comme Vicky a dit tout à l'heure, en entendre parler ou sur ce que j'ai lu sur le film. Après ça, tu le regardes, tu fais « Ah, d'accord, ça aurait pu être ça. » Ou ça, c'est encore quelque chose qui est pas pire, mais je l'ai pas vu de même. C'est écrit par Rita Mae Brown. Rita Mae Brown, j'ai lu, c'est une activiste des années 60, une féministe, une femme qui s'est engagée dans les mouvements anti-raciaux, anti-libération de la femme, etc., etc. Fait que c'est une femme vraiment engagée. Elle a écrit ce scénario-là. Ferme ton micro. Elle a écrit ce... Penses-tu fermer ton micro à chaque fois que tu tousses? Parce qu'il n'y a aucune fois depuis les 5 dernières fois. C'est-tu vrai? Ouais. Ben oui. Mais non, je pisse. Vous m'entendez encore, là? Oui. Ouais. Ah, oh, ta gueule! T'as peu. Puis là... ta vie, puis reste en vie. Non, t'entends plus, là. T'entends plus, là. OK, c'est bon. Non, non, pour vrai, moi, je suis comme, je veux pas couper la conversation, mais je suis sûr qu'il pense fermer son micro. Ben mais oui, j'ai... Écoute... Non, non, mais écoute, excusez. Moi, je pensais qu'il était rendu à un point où il s'en cas du ouais, c'est ça. Non, excusez, j'ai... Hein, je suis bien... OK, excusez. Fait que c'est ça, c'est écrit par elle, puis... T'as Amy Holden Jones, après ça, qui est embarquée dans le projet, qui, elle, a fait ses preuves chez Roger Corman, tout ça. Elle a travaillé avec Martin Scorsese sur Taxi Driver. Elle a travaillé sur plein de films intéressants. Puis là, elle est arrivée en 82 avec ce projet-là qu'on lui offre, que Roger Corman lui offre. Tu sais, tu peux réaliser ça. Mais elle a aussi une autre offre, parce qu'elle est rendue super bonne monteuse, rendue là dans sa vie, l'offre de monter le film E.T. Elle dit, OK, là, j'ai le choix. Soit faire le montage de E.T. ou réaliser ce film-là. Puis elle dit, mais moi, je veux être réalisatrice. Fait qu'elle a réalisé ça. Puis elle a changé un petit peu le scénario. Le scénario était au départ une parodie de Slasher qui, si ça avait resté comme c'était supposé être, ça aurait précédé Scream de 14 ans, puis ça aurait été, c'est ça, l'avant-gardiste, pas mal, parce que Wes Craven n'aurait rien inventé, là, ça aurait déjà été fait. Puis le film a encore des traces de ça, comme on a tout nommé depuis tantôt, t'sais. Ça fait un peu Scream. T'sais, je trouve qu'on insiste beaucoup sur le fait, t'es-tu allé barrer le garage, puis tout, puis t'sais, va pas dans le garage tout seul, t'sais, on écrit à l'écran, là, va pas dans le garage tout seul, des trucs comme ça. Les deux personnages qui veulent se séparer, t'sais, la scène est vraiment fixée sur ces dialogues-là. C'est vraiment, t'sais, on rit des clichés du slasher, t'sais. Puis après ça, t'sais, tu dis, OK, le film il montre beaucoup les fesses, les seins, tout ça, puis tu fais, OK, c'est pas féministe pantoute. Mais là, j'ai trouvé un article sur un site qui s'appelle bitchmedia.org, puis c'est une femme qui écrit ça, puis elle dit, moi, j'ai trouvé ça bizarre aussi, mais elle dit, en y repensant, le film nous met en évidence, nous met devant le male gaze, le regard masculin. Et c'est une sorte de film est une sorte de métaphore ou de critique du regard masculin, où ce que on voit tout à travers le regard des hommes, justement, souvent à travers les deux nonos qui viennent voir le party, tout ça. Puis on met beaucoup l'accent là-dessus, sur le comment est-ce que les gars voient les filles, puis tout. Puis, une chose que j'ai trouvé drôle, moi, dans le film, quand j'y repense, c'est le party, là, il est vraiment dole. C'est pas un party de filles, c'est pas un party de slumber party comme on s'attend, comme on voit d'habitude avec les chicanes d'oreiller, ce qu'on va avoir dans le deuxième. Dans le premier, la réalisatrice s'amuse beaucoup avec les clichés parce que les filles, tout ce qu'ils font, c'est fumer puis lire le journal. Ce que des gars d'habitude font souvent dans des clubs secrets ou des trucs comme ça, dans des lounges, tout. Là, c'est des filles qui font ça. On lit le journal, on fume, c'est tout. Pas de musique, y a rien. Puis. Tu commences de la pide. Puis on jase de basketball. T'as-tu vu le match hier? Puis appelle la coach. Hey, t'as-tu vu le match hier? C'était comment? Ben oui, ils ont gagné. Puis tout. C'est comme, on parle de sport, on fume, puis on lit le journal. C'est comme, waouh, c'est génial. Puis le film passe à plate couture le test de Bechdel, qui est le test pour voir si les films sont féministes. Parce que il y a plus de deux personnages qui ont des prénoms. Les filles se parlent entre elles et ne parlent pas juste de gars. Ils parlent de plein d'autres sujets. Puis ça, j'ai vraiment adoré ça. Le tueur a son arme phallique, comme on disait, tu sais, qui est sa drill. Puis à la fin, il s'adresse aux filles. « Ah, vous êtes belles. Puis vous le voulez. Vous allez aimer ça. You want it. You like it. » Puis c'est vraiment des paroles de violeur. Puis à la fin, t'as Valérie aussi qui va couper sa drill comme si elle castrait. Puis c'est à ce moment-là que c'est la fin du gars. C'est comme il regarde sa drill qui est coupée, puis il en revient pas, puis il est frustré, puis en même temps, il est désemparé, puis tout. Puis à partir de là, il est comme plus... il est plus bon en rien, là, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant, ce niveau-là. Le film a plein de choses intéressantes que, quand tu le regardes à travers ces yeux-là, ce prisme-là, tu fais « Wow, OK! » Mais ça aurait pu tellement être meilleur. Il aurait pu mettre l'emphase encore plus sur la parodie et encore plus sur le féminisme. Ça, je dis que c'est un film hybride que je peux pas tout à fait dire que c'est réussi, que c'est très, très bon, mais putain que ça aurait pu être autre chose. Puis il y a encore ça dedans. Puis il y en a encore assez pour que j'aime ça, moi, personnellement. Il y a encore assez de ces éléments-là pour dire « Oui, OK, je le vois, le tongue-in-cheek dans le film. Je le vois, le petit côté comique, là, tu sais, qui est encore là. Que Amy Holden Jones, elle l'a mis pareil, qui est là. Elle est plus straight, probablement, que la scénariste. Elle est comme plus... Moi, il faut que je réussisse dans le métier. Je suis dans un univers de gars, fait qu'il faut que je fasse... Je vais mettre des tits, puis des ass, puis des trucs comme ça, des boobs, pour plaire aux gars. Pour plaire à Roger Corman, qui est mon boss, qui lui veut ça. Comme l'acteur qui fait le tueur dans un documentaire que j'ai regardé un petit peu sur YouTube, l'acteur qui fait le tueur, il dit « Roger Corman, c'était butts, blood and boobs. » C'est toujours ça avec lui. Hein? C'est ça. Fait que, je suis pas sûr qu'elle aurait accepté le produit d'origine, honnêtement, Roger Corman. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'elle l'a changé. Puis cette femme-là qui a réalisé le film est allée écrire après ça Beethoven, la série des films avec le chien, est allée écrire Mystic Pizza, puis des films assez naïfs. Assez, pas naïfs, mais inoffensifs, qui sont pas qui dérangent pas les conventions ou quoi que ce soit. Non. Elle est allée faire proposition indécente, mais c'est pas si dérangeant que ça non plus. Non. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, ça aurait pu être un meilleur film, mais je trouve que c'est un film quand même que je recommanderais parce que c'est un slasher qui sort de l'ordinaire. Comparé, mettons, à des merdes comme, je veux dire merde pour moi, là, comme Pieces, des trucs comme ça, lui, il se place au-dessus du lot, selon moi, parce que il a son petit côté de femme forte. Puis j'aime que Valérie, qui est la voisine, qui est pas invitée, c'est un des seuls personnages qui se dénude jamais dans le film. Puis c'est la final girl, vraiment, c'est elle qui va couper la drill du gars, justement, puis tout. Puis je sais pas, c'est un personnage fort, puis Trish aussi, les filles sont fortes, même si il y a des bouts où ils font pas grand-chose, se cachent dans la chambre, ils bougent pas, puis tout. Mais je sais pas, il y a quelque chose que j'aime dans ces filles-là. Puis moi, ben, l'humour m'a beaucoup plu, comme on a dit, les deux gars, l'affaire du frigidaire, moi j'ai trouvé ça drôle. Il y a plein de choses que j'aime. La pizza, j'ai tellement aimé ça. J'ai tellement trouvé cette scène-là, what the fuck, là, quand t'as mangé la pizza sur le corps, j'ai fait « Oh my God! » Le tueur qui se cache en dessous de sa couverte en riant, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses que j'ai trouvé le fun. Puis non, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, puis... Petite touche triste, celle qui joue Valérie, la voisine, la sœur de Courtney, ben, elle s'est suicidée en 93, puis c'est triste parce que c'était une belle fille, puis une actrice correcte là, pour ce film-là. Mais je pense qu'à ce moment-là, elle était rendue alcoolique puis dépressive, fait qu'elle s'est suicidée, malheureusement. Mais sinon, en gros, c'est ça. J'ai beaucoup aimé ce petit film-là, puis le vie qui rit de moi, fait que. Tellement! Mais c'est le ton qu'il emploie, c'est tout. C'est triste, mais fun fact, elle est morte. Fun fact. Triste fact. J'ai lu ça, puis j'ai fait... Oh. Non, c'est parce que j'ai vu dans le documentaire. Le documentaire s'appelle Sleepless Night. Il est sur les DVD, je pense. Moi, je l'ai vu sur YouTube, fait que c'est intéressant. Ça parle des trois films. J'ai regardé juste la portion du premier jusqu'à date, mais je vais regarder les autres aussi. Puis c'est toutes les actrices du film, puis l'acteur qui fait le tueur, qui parle. Puis lui, il est super intéressant, le gars, parce que c'est un méthode acteur. Il utilisait la méthode, puis il s'est séparé complètement des filles durant le film. Quand les autres allaient manger, lui, il se tenait à côté dans une table plus loin, puis il parlait pas à personne. Même qu'à un moment donné, les filles se sont virées vers lui, en train de bouffer, ils s'en virent vers lui, puis lui, il est en train de prendre sa drill, mettre de la vaseline dessus, puis faire un mouvement de va-et-vient. Les filles sont comme « Calisse, il fait quoi, lui? » Puis il était tellement weird, tu sais. Mais il dit... Méthode acteur pour un film de Roger Corman. Oh oui, sérieux. Puis c'est son premier film, le gars, puis il prenait ça au sérieux. Puis il dit... Il dit qu'il parlait pas en tout aux filles, sauf que dès qu'il en avait tué une dans le film, là, il établissait un rapport avec elle, puis il pouvait niaiser, puis avoir du fun avec elle. Mais jusqu'au temps qu'ils aient tué, non. Fait que il y avait un malaise là, puis en tout cas, il avait étudié tous ses mouvements, il avait créé un mouvement, Un peacock en français, c'est quoi déjà? J'oublie, c'est quoi? Un pan? C'est un pan, oui. C'est ça, il a imité son mouvement, sa démarche, puis sa manière de bouger sa tête sur les pans. En tout cas, il a fait toute une démarche pour... il a lu le livre Helter Skelter qui parle des meurtres de Charles Manson aussi pour comprendre la mentalité des tueurs en série. Fait qu'il a fait une grosse recherche, le gars, c'était intéressant de voir, puis de l'entendre parler dans le documentaire Sleepless Night de tout ça. Fait que je n'ai beaucoup... Ben, ça y a servi beaucoup dans sa carrière. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre après. Mais voilà, moi, c'est encore mon opinion. Je trouve ça le fun. Ça aurait pu être encore plus fun. Ça aurait pu être un grand film slasher, tu sais, une grande parodie slasher. Ça aurait pu être le Scream de 82, tu sais. 14 ans avant. Oui, il y a le potentiel. Il y a vraiment le potentiel. C'est juste dommage que... C'est dommage que ce soit sous Roger Corman, parce que Roger Corman prend pas tout le temps les bonnes décisions dans sa vie. Puis je suis un fan, mais pas tant que ça non plus de Roger Corman. Comme je dis, il prend pas tout le temps les bonnes décisions. Fait que dans ce cas-là, ça nuit au film, je trouve. Voilà. Sébastien, non? J'ai absolument rien à rajouter et je me dois de me taire présentement. D'accord. Puis en même temps, si tu le prends juste pour ce qui est, admettons, juste en tant que slasher, même là, il est plus supérieur que bien des slashers qu'il y a eu des années 80. C'est ça qui est cool aussi en même temps. Mais c'est vrai que le film aurait pu être plus... Il y a des lacunes, je trouvais, qui étaient un petit peu... C'est un petit peu fade, là, tu vois. Sur le coup, quand je l'ai vu, puis sans savoir tout ça, je trouvais ça fade un peu. Mais c'est mieux que d'autres slashers que j'ai vus, là. C'est mieux que... Happy Birthday to Me ou des trucs comme ça. Là, j'ai eu plus de fun avec lui que. Oui. Malgré que Happy Birthday to Me avait des twists. Mais moi, c'est ça qui est drôle, c'est que le tueur, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus incroyable, puis toi, c'est ce que t'as aimé le moins. Moi, c'est les personnages, puis toi, c'est ce que t'as aimé le plus. Ouais, c'est ça. Conclusion, faites-vous votre propre opinion parce que celle-là ne fait pas l'unanimité sur plein de points. Il y en a un de nous que vous allez haïr. Un petit point que la fille qui écrivait l'article sur bitchmedia.org, elle disait, c'est le fun, le film, justement, elle disait que le film traitait du male gaze, du regard masculin, mais que Valérie, la voisine, elle, c'était l'antithèse de ça, c'était le contraire de ça, c'est elle qui regarde avec ses playgirls, puis tout ça, c'est elle qui regarde les gars, c'est elle qui regarde. En tout cas, c'était intéressant de voir la différence entre ça. Donc là-dessus, je pense qu'on va aller en musique. Oui. Ou nos recommandations? Une recommandation, ben oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu recommandes, Steven? Moi, je recommande l'achat du Blu-ray parce que, comme je dis, c'est un de mes slashers favoris et parce que le Blu-ray vaut vraiment la peine. Le film est beau en HD, étonnamment. Vicky? Oh, pas grand-chose. Si vous le trouvez un après-midi sur YouTube, pas cher, puis vous n'avez rien à faire. Il est plus intéressant à analyser qu'à voir. Ouais. Trouvez-vous un top 10 des meilleures scènes là, sur YouTube, puis ça va faire la job. Moi, je dirais, il est combien le Blu-ray, Steven? Il est à 20$. Je l'ai pogné, je l'ai trouvé à 16$ à HMV. Bah, 16$, c'est pas si pire pour un Blu-ray. Moi, ouais, je dirais que le Blu-ray. J'irais avec ça. Sinon, t'as le coffret des trois films pour 20$ que j'ai pogné aussi. Bah, ça peut être intéressant aussi parce que. Ça peut être intéressant aussi. Ouais. Hey, je pensais jamais que JF aimerait ça à ce point. Puis, à ce point de façon de parler. Sébastien? Moi, je dirais une location parce que c'est quand même assez étrange comme film dans le sens qu'il y a beaucoup de trucs what the fuck. Fait que peut-être que ça... Tu parles du premier ou du pardon, deux? Pardon, ça vous... non, un peu. Dans le deux, il y en a encore plus. Mais il y a quand même des trucs assez weird. Certains trucs pour les fans de slasher pourraient ne pas vous plaire, tu sais. Justement parce que ça va dans des zones semi-parodiques et tout ça. Donc, je dirais une location avant pour l'écouter, mais écoutez-le. Moi, je pense que quand même, c'est une écoute qui vaut la peine au moins une fois. Non, mais tu sais, je repense au gars dans le garage, pauvre gars. T'sais, d'habitude, dans les slashers, c'est des gens qui font le sexe, comme dirait Sylvain Demanti, qui font le sexe, qui se font tuer. Mais le gars, il a même pas encore eu du sexe dans le garage. Il est dans le char, puis il attend, puis... On a oublié un truc que je m'étais dit qu'il faut qu'on parle. Excusez. Le voisin. Oui. Oui. Oui, mais c'est creepy qui ce gars-là qui sort de partout? Genre, la fille, elle, chez elle, il y a quelqu'un qui arrive en arrière d'elle. Puis, hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est le voisin qui est venu checker, voir si tout était correct. Il est pas là, genre, au tout début, quand les parents ils s'en vont, puis ils disent qu'on va bien aller. Puis il est à côté, puis il fait inquiète-toi pas, je vais la surveiller, puis il est comme oh my god. Ouais, mais là, il rentre. Ah oui, c'est ça. Oui, il est en arrière du gars, je sais plus trop, avec, ou la fille, puis avec une machette, puis je claque, il coupe un escargot, puis c'est rien que la nuit qu'on peut les pogner et les trouver. Là, t'es comme, ouais, mais tabarnak, t'es dans le noir, les filles, ils cherchent, puis toi, t'es dans l'arrière d'eux autres, je vais tuer un escargot. Asti de gars, c'est lui le plus méchant, weird, bizarre de la gang. Ah oh, oui. T'sais, lui, je suis sûr que c'est un tueur en avenir. Lui, il voulait voir des trucs. Là. Non, mais lui, il a un œil sur Trish. Ben, c'est ça, il espérait. Il espérait que Trish et ses amis de 17 ans le trouvent assez cool pour l'inviter au party. Là, puis, oh, on va inviter notre voisin, il est cool, tu sais. Il y a 45 ans, mais plus creepy que le tueur. Oui. Qu'est-ce qui est plus creepy que le tueur? Ça n'a pas de sens. Asti de voisin. Fait que là-dessus, on va aller en musique. C'est Emmanuel du... c'est ça, c'est son nom? Emmanuel, oui. Ouais. Je veux pas être l'insulter, Emmanuel. Mais oui, on t'aime. Radio Enfer 666, son podcast. C'est lui qui nous conseille la musique. Fait que vas-y, Emmanuel. Salut, ici Manu du podcast Metal Radio Enfer 666 pour vous présenter l'interlude musical d'Horreur Gamer. Donc, la prochaine chanson est une chanson des Beastie Boys, You Gotta Fight for Your Right to Party, qui était sur le CD Listens to Will, sorti en 1986. La chanson, à la base, se voulait une parodie, comme des chansons Smoking in the Boys Room ou I Wanna Rock. Mais le message est mal passé auprès des fans, ce qui a rendu le groupe un peu amer de ça, parce que c'était contre leurs valeurs. Dans Slumber Party Massacre, les gens doivent se battre pour faire le party, et surtout pour pas mourir. Donc on va écouter ça maintenant. Yeah! Kick it! Classes. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Slumber Party Massacre 2, on l'a dit tantôt, c'était 4 ans après le premier. Et c'est la jeune sœur qu'on suit cette fois-ci qui s'en va dans un party. Moi, j'entends un bruit bizarre. Ouais, il y en a un qui vient de faire la cave avec sa moto dans la rue. À côté. Ah! OK. Mais c'est une belle lancée. Ah. OK. Zut. Je vais fermer mon micro. Je vais l'ouvrir juste quand je vais avoir besoin de parler. Je pense que ça va être plus simple demain. Je touche plus souvent que je veux parler. Slumber Party Massacre 2 se déroule 4 ans plus tard, comme on l'a mentionné dans la première partie du podcast. Là, on suit la jeune sœur dont tout le monde se sacrait. Ben, Steven, tu l'aimais-tu, toi, la jeune sœur, finalement, dans le premier film? Elle avait le gros son? Ouais. Non. Ils ont décidé que ça devrait être le personnage principal. T'sais, tout le monde l'aime pas, mais hey, tain, on va la rendre sympathique puis on va la suivre dans notre deuxième film. Le deuxième film se passe dans un espèce de chalet, pas chalet. Un condo. Ah, condo, me semblait tout. C'est bizarre que c'était un chalet. Ça n'a pas l'air d'un chalet. Donc, ouais, dans un condo. Oui. Ben, j'avais l'impression qu'il louait un chalet, moi. Fait que c'est ça, je comprenais pas. Et là. Ça, j'ai pas trop compris. Il va peut-être falloir que les gars l'expliquent. Là. Je viens de finir le film. Là. J'ai fini le film une demi-heure avant le podcast. Là. Mais il y a comme un gars qui hante les rêves de la jeune fille. Puis finalement, le gars, il s'avère qu'il peut comme aller dans la réalité puis tuer les gens. Puis peut-être qu'il y a un spoiler. Puis peut-être pas. Parce que finalement, c'est une hostie de maquette de marde. Fait que tout le monde est comme dans un moment où notre personnage, notre héroïne, on ne sait pas si elle rêve d'un méchant tueur ou il y a bel et bien un méchant tueur qui peut sortir de son rêve, parce que ça, par contre, c'est assez bien établi qu'il provient de ses rêves. Et on se demande, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il peut vraiment les attaquer ou pas? Mais c'est un Slumber Party Massacre, fait que tu sais qu'il peut. Puis ça chante. Fait que c'est fucking weird. C'est la même histoire que le premier, c'est ça qui m'a gossé. Hein. Puis petit oui. détail, c'est la grande sœur, la grande sœur de la petite. La petite s'appelle Courtney, notre personnage principal. Sa grande sœur Valérie, qui était dans le premier film, est à l'asile. Ça nourrit un peu l'histoire là. C'est veut pas, c'est là dans le background là. Elle est à l'asile, elle est rendue folle à cause des événements du premier film. Oui, puis elle lui apparaît en rêve pour l'avertir de pas aller là-bas. Exactement. Oui. Mais il va quand même parce que c'est son anniversaire, puis elle trouvera ça plus le fun d'aller au condo avec ses amis. Fait que là, elle va avec une gang de filles, puis ils ont un band. Puis là, ils se ramassent au condo. Ouais, puis là, ils se ramassent au condo. Puis là, finalement, il y a des gars qui viennent les rejoindre, puis ben ça quand même, ça va y rendre, est-ce un massacre ou n'est-ce pas un massacre? Est-ce dans ses rêves ou n'est-ce pas dans ses rêves? Puis plus le film avance, plus le gars finit par tuer des gens, parce que c'est un peu le principe du film. Fait que c'est pas mal ça. J'ai regardé, là, et il y a le premier meurtre arrive, puis il reste 30 minutes, même pas au film. Ah oh, oui. Ouais. Mais après ça, ça arrête plus. Ouais. Ça arrête plus de plus arrêter. Ouais, tu veux-tu continuer, ça. Vicky, avec ton opinion? Non. OK, ben mon opinion, c'est que c'est un film fucking weird, mais je le proposerais plus que le premier. Parce que je trouve qu'il nous amène dans un univers où quand je disais à Steven, je suis pas capable de m'identifier au personnage, là, je peux m'identifier. T'avais la fille à la couette sur le côté, t'avais... Oui, mais pas m'identifier en tant qu'ils sont pareils comme moi puis sont mes amis, mais je suis capable de savoir qui est qui. On dirait pas un OK, t'étais capable de les différencier. Je suis d'accord que... Je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé la gang du premier film, mais la gang du deuxième sont beaucoup plus sympathiques, plus facilement identifiables, je trouve. Je suis capable de dire qui c'est qui, la gang, les quatre, là. La chanteuse, la batteuse, l'autre qui joue de la basse. Exactement. Puis elle joue de la basse, elle est belle en mode. Je sais pas. Ouais, mais t'as comme celle qui a un chum, t'as celle qui est un peu slutty. Tu sais, je sais pas, je trouve que sont... Celles qui ont des zits, c'est des boutons dans la face. Oui, c'est ça. Ben, je sais pas, je trouve qu'ils sont tellement stéréotypés qu'on en vient à les reconnaître plus facilement. Ils ont vraiment, sont très stéréotypés. Puis je trouve les deux garçons aussi sont très... Ben, il y en a trois, en fait. Puis je trouve qu'eux aussi sont assez différents, qu'on est capable de les différencier, excepté le chanteur tueur, là. Il y en a un qui c'est Butthead. Tu sais, tu peux pas te mélanger, là. À chaque fois qu'il dit de quoi, il rit comme Butthead. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ils sont très typés. Non, mais il y en a un qui est plus propre de sa personne, puis là, c'est un gros dégueulasse trash, là. Tu sais, c'est un redneck, là. Fait que, non, pour vrai, j'ai vraiment aimé plus ce film-là, parce que je trouve que... Tu sais, dans le 1, je disais que ça glandait, là. Ah, oh, je te prends par surprise, mais finalement, c'est pas une surprise. Ah, oh, je tue un escargot. Mais il y a pas de raison de tuer d'escargot. Mais God, dans le 2, je trouve que quand ça glandait, c'était pour nous faire penser à quel point ce personnage-là est peut-être fou. Fait que je trouvais que quand ça tombait dans un creux, c'était pas négatif. Par creux, j'entends pas par poche, mais par... ça tombe à plat, en fait. Quand... elle prend le hamburger, puis elle voit une main dans son hamburger, puis finalement, il n'y a pas de main, ben je trouve que ça a quand même une raison d'être comme scène. C'est pas juste un gag, ça a une raison d'être, c'est plonger dans sa folie. Mais, ceci étant dit, je m'en dis comme Sam, c'est long avant qu'il y ait des kills, c'est long avant qu'il y ait de l'action autre. On dirait, mettons, une série télé pour ados, dont un épisode final où tout le monde meurt, mais ça a l'air de Watatatao. Excuse-moi, le générique au début, quand tu vois les noms et le titre, le générique donc, ça passe sur son corps, mais la manière que c'est écrit, la police d'écriture, on dirait un film, un téléfilm d'après-midi, là, tu sais, romantique. Mais là... C'est malade mental. Mais, où ce que j'allais venir, c'est, tu sais, Watatatao, là, il y a eu une saison où ça finissait avec un feu. Puis on se demandait qui est mort dans le feu. Mais je trouve que ce film-là a cette impression-là. Est-ce que la personne est morte avec des boutons d'en face? Là, ça aurait coupé à l'épisode prochain, tu sais. Je trouve que ce film-là est monté comme des épisodes de séries télé, alors que c'était pas populaire dans le temps, puis c'est pas le concept. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec le background que j'ai l'impression que ce film-là est monté comme un épisode de séries télé où on a un épisode où on présente les personnages. C'est un Degrassi qui finit mal, tu sais. Tu parlais il y a deux semaines du syndrome post-traumatique de Ash dans Ash vs Evil Dead, Vicky. Oui. Ça me fait penser, moi tout le long que j'ai regardé ce film-là, j'ai regardé le personnage de Courtney, puis je me disais, c'est un peu ça, pendant une heure et quart, on vit son syndrome à elle, de les séquelles du premier film, tu sais, son traumatisme par rapport à ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui meurt, je sais plus trop qui dans la gang, puis elle est là avec ses autres amis en train d'essayer de survivre au tueur, puis elle arrête pas de pleurer, puis elle pleure tout le temps, puis j'étais comme... Oui. Tu essaies de se retenir et de pas pleurer, mais je trouvais que ça faisait naturel un peu dans le jeu de l'actrice de « je peux pas arrêter de pleurer, là, j'ai de la peine, puis je suis traumatisé, puis je suis en panique, puis je file pas pantoute, là, j'aime vraiment pas ça, puis c'est le gars de mes rêves, j'ai peut-être causé ça à cause de mes rêves, pour aucune fucking raison, je comprends pas pourquoi, mais elle capote, là, elle aime vraiment pas ça, là. » C'est très drôle parce que, tu sais, dans le fond, c'est sa sœur qui est à l'asile, mais clairement, tout le monde, tout le long du film, il nous montre, elle est pas mieux, là. Mais elle dit aussi qu'elle a peur de se ramasser là. Elle dit qu'elle veut pas se ramasser à l'asile, puis elle est comme, je suis pas folle, croyez-moi, enfermez-moi pas, parce que moi, c'est vrai. Tu sais, fait que moi, j'ai trouvé les personnages beaucoup plus, attachants. Même s'ils sont épais, j'ai trouvé plus attachants puis plus vrais, même s'ils sont stéréotypés. Il y avait quelque chose de plus intéressant à offrir que dans Moi, j'aime mieux les discussions dans le premier, mais les autres sont... Ouais, il y a quelque chose de vrai dans ça. C'est plus léger, le deuxième, mais il y a quelque chose de vrai dans les personnages. Mm. Déjà là, dans le party, on a un autre party. Là. Ah là, on a vraiment le slumber party avec qu'on imagine. Là. Les filles qui se dénudent, une qui se dénude, les autres qui restent en brassière. Mais même quand elle se dénude, les autres, ils la regardent et font comme « t'es folle! » Oui, mais elle se dénude pas, les autres. Ouais, elle dit, t'es weird. Puis elle dit, ouais, mais toi, t'as l'air d'un poulet parce qu'il y a plein de plumes partout. Ben c'est ça, c'est la bataille d'oreiller classique qu'on imagine dans un slumber party de films. Non, la bataille d'oreiller, les seins à l'air, oui. Mais tout le montage et les chorégraphies de danse qui fait pas être la toune avant, excuse-moi, c'est pas ça que je m'imaginais pas en tout. Hey, le montage là, de la fille danse devant le mur, cote. Oui. Une autre fille danse devant le mur, cote. Une autre fille danse devant le mur. C'est très vidéoclip années 80. Là. Ça fait vidéoclip, ça fait série télé. Il y a tout le temps... Je vous dis, réécoutez vos Degrassi. Il y a un épisode où, justement, ils vont se ramasser au centre commercial puis ils vont se mettre à faire du magasinage. Ça va l'air de ça. On dirait plein de moments de de vidéoclips ou de séries télé marquants. Il y a quelque chose, il y a du clouless là-dedans. Il y a du clouless. Pour ça. Ben, je vais te laisser aller, go. T'avais fini? Oui, vas-y. Il n'y a pas la compétence. Je veux t'entendre là-dessus. Je trouve ça intéressant. On s'attend-tu que ce film-là, c'est un putain de gros nanar qu'on a comme rarement vu, là? Je veux dire, ce film-là est involontairement cheesy et vraiment raté sur un point de vue technique. Là. On se le cachera pas, le premier de ce qui faisait sa force, c'est justement qu'il partait avec un scénario de base qui était parodique, qui avait quelque chose à dire et qui avait vraiment un potentiel d'être un grand film, comme le disait Jean-François. Tandis que là, on a la réalisatrice Deborah Brough, qui est aussi réalisée par une autre fille, écrit par elle, mais cette fille-là, elle n'a pas les mêmes ambitions que la scénariste du premier film. Et encore moins en termes de mise en scène, on dirait qu'elle essaye de faire comme le premier, mais elle est très maladroite dans sa démarche et la manière de faire aller les scènes. Je veux dire, dès le départ, là, le film se trouve sur un plan de la fille qui gigote en train de dormir, puis on a les plans de elle qui rêve sur le gars parfait au ralenti. C'est d'un cheesy incroyable, là, je veux dire. Ça donne tout le ton des couleurs au film. Puis tu sais, le film dure un an. Oui, j'ai écrit à Vicky, j'ai écrit après 3 minutes, what the fuck, là. Moi, je pensais que tu parlais de l'autre film. Non. Parce que l'autre film, il sauve quand même sur une fille complètement nue. Ouais, non. Là, tu me dis ça, j'ai écrit, c'est quoi? C'est deux fois le même film, genre? C'est encore pire qu'une fille complètement nue. T'sais, c'est drôle, toute la première partie du film, t'as plein de moments psychédéliques de rêve où plusieurs scènes s'enchaînent, puis des scènes qui arrivent plus tard dans le film, puis je me dis, d'après moi, il n'avait pas atteint le temps limite pour un film, fait qu'ils ont dû faire du rembourrage pour atteindre le 1h17, sinon ils n'auraient pas pu appeler ça un long métrage. Là. D'après moi, c'est... Moi, il faisait 1h11. 1h11. Ah non, ok, ouais, quoi, le premier dure 1h17, je crois. Oui, non, c'est ça, 1h11, oui. Ah non, si Steven, j'avais pas écouté sa version, puis il m'avait manqué 5 minutes, là, je serais allé réécouter avant de continuer la critique, je te promets. Je te promets, Steven, les 5 minutes, je vais aller les voir. Mais honnêtement, moi, je suis pas là pour caler Slumber Party Massacre, parce que c'est un de mes nanars favoris. Ce film-là, c'est du fun, c'est du cheesy à tout bout de champ. Les personnages de filles... sont tellement stéréotypés, mais calice qu'ils sont le fun à suivre tellement qu'ils sont nounounes et attachants. La batteuse, elle a toujours ses baguettes dans les mains. Pour pas qu'on oublie que hey, c'est elle la batteuse du groupe, là, tu sais, là. Puis ils apparaissent puis ils disparaissent selon la scène, là, tu sais, là. Elle va dans les mains, puis là, whoops, elle s'en va de la pièce, elle est rendue dans le couloir, elle les a plus, tu sais. Tu sais que ça arrête plus des niaiseries de même. Non, je sais pas pourquoi. J'allais dire, je me répète, mais j'avais un gros kick sur la bassiste, là, mais je tombe en amour avec elle durant le film. Ah, tu peux le dire? On dirait qu'elle avait 38 ans pour ça. Non, je pense qu'elle était plus jeune que ça. Il paraît ben, l'actrice, mieux, alors, non, l'actrice avait genre 23, 24 ans, j'ai checké. Non, mais, 26. J'ai checké! Oh, il y avait 26 ans. Celle qui joue Courtney, elle a 26. Non, je parle de l'autre qui fait Amy, je pense. Ben, Kimberly McArthur, c'est sur Amazon? Non, mais c'est une playmate de Playboy. Mais c'est pas à cause de ça que je la trouvais cute. Elle était cute. Elle avait un super de beau sourire, puis c'est elle qui avait l'air le plus naturel dans le film. Je trouvais qu'elle avait l'air vraiment d'une gentille fille, en tout cas. Mais peu importe. C'est un détail. Non, mais je suis pas JF est amoureux. JF est sur une branche d'arbre. C'est pas ça, ma blonde. Ah, elle écoute pas le podcast? Non, elle c'est pas ça. Okay, bon. Mais pour revenir à Slumber Party Massacre 2, c'est comme si on prenait... C'est, moi, c'est la première fois que j'ai vu ce film-là, c'est la première chose qui m'est venue en tête. C'est comme si on prenait John Travolta de Grease, puis qu'on le mettait comme Freddy Krueger. Non, t'as peu. Ah, mais c'est bon, Freddy Krueger, t'as peu. C'est... Mais vous l'avez peut-être pas vu, là. Il y a un film des années 80 qui s'appelle Les Aventures de Fort Fairlane avec Andrew Dice Clay. Puis justement, Robert Englund qui est là-dedans, qui fait un très bon rôle. Tu prends Andrew Dice Clay, mais une version plus poche de son personnage Fort Fairlane, puis c'est ça. C'est le tueur de Summer okay. Party Massacre. C'est vrai aussi qu'il avait l'air d'être de Fonz. Levez la main, ceux qui ont compris la référence à JF. Ben, je vais sûrement la comprendre dans 40 minutes, puis je vais faire « Oh, oui, oui! » Non, non, tu vas la comprendre d'un prochain bras de fer. Exactement, oui, c'est ce que je pense que ça va finir demain. Ok, tout le monde, on va aller écouter le film que Jeff a parlé, puis on va venir continuer. Les aventures de Fort Fairlane. Tellement vrai, Jeff, une chance que tu l'as pointé du doigt, c'est tellement ça en plus! Le pire, c'est que j'ai, dans IMDB, tu regardes les critiques, tout le monde dit c'est un Andrew Dice Clay clone, c'est un gars qui va ressembler à Andrew Dice Clay, fait que. Tout le long du film, je me disais si qu'il ressemble à Fort Fairlane. Mais bon. Puis il ressemble à Martin Matt avec des cheveux aussi. Il y a une face de Martin Matt, le chanteur, je trouve. Hein? Moi, ah ouais, trouve. Martin Matt? Ah ouais, moi je trouvais que oui. Il y a des faces des fois qui fait Martin Matt. Ok. La première fois, je l'entends, celle-là. Moi, je me souviens trop de son manteau de cuir. Hey, Martin et Matt, je vous ai vu dans un film Slumber Party Massacre 2. Écoutez ça. Moi, je sais de son manteau buzz. De cuir. Let's buzz. Est-ce qu'on était rendu là? Je suis tout perdu. On a comme zigzagé partout. Tu parlais de John Travolta, mais avec Freddy Krueger. Oui, c'est ça. Parce que si les 40... Si les 40 premières minutes... C'est quoi? T'as dit ça prenait 40 minutes avant qu'il y ait un premier moins, meurtre? Au moins 40 minutes. Les 40 premières minutes, c'est vraiment comme une espèce de nightmare on Elm Street avec des hallucinations vraiment weird, mais des scènes qui sont vraiment grosses. Moi, la scène du bouton. Ouais. Ah, ouais. C'est dégueulasse. L'effet est dégueulasse. C'est vraiment cool. C'est affreux. Là. Cette scène-là, OK? La fille est dans la salle de bain avec Claude. Puis là, elle hallucine que... C'est justement la bassiste, je pense. Oui. Puis là, elle hallucine qu'elle a un bouton puis que ça éclate puis qu'en tout cas, puis elle en meurt. Fait qu'elle sort des toilettes qui sont au deuxième étage en faisant comme « Oh mon Dieu, elle est morte! » Quand ils arrivent, ils la trouvent plus. Puis là, ils font « Ah ouais, mais où? » Puis là, ben là c'est le truc qui appelle la police, puis elle revient, puis elle fait comme « Je suis allé à l'épicerie ou je sais pas trop, au dépendant, tu fais comme « Ouais, mais t'es disparu, t'es sorti par la fenêtre, qu'est-ce qui s'est passé? » Là-dessus, j'aimerais ça peut-être comme... Moi, j'ai eu une version web, il y a Steven qui a eu une version Blu-ray, réécouter cette scène-là parce que je trouve que le son de sa voix sonne différemment. Puis elle a peut-être jamais été dans la salle de bain, moi je pense. Ah, peut-être. Parce que la fille l'a peut-être jamais rencontrée dans la salle de bain. Elle a peut-être juste rêvé à ça, comme elle rêvait à son eau qui est en sang puis tout. Peut-être. Je sais pas. Ah, l'attaque du poulet dans le frigidaire. Ouais. L'attaque du poulet dans le frigidaire, la main dans le hamburger. La main qui est un callback au premier film. La main du tueur. Ouais. Je suis en train de vous confirmer, là. Le premier meurtre arrive à 51 minutes. Sur 1h11. Sur 1h11. Fait qu'à 20 minutes de la fin. Toi, tu parles de celui-là avec le gâteau de fête, là? Non, ben celui dans le lit, là. Ouais, c'est ça, avec le gâteau de fête. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. OK. Gâteau de fête, ben, qui est super allumé, qui a plein de bougies, mais qui prennent pas le temps d'éteindre, qui s'embrassent à la place, tu sais. Ils sont en train de s'embrasser, puis le gâteau est là, puis c'est en train de fondre, puis c'est en train de... Ouais, mais si t'avais la bassiste devant toi, la batteuse devant toi, tu prendrais pas le temps d'éteindre. Bougies, la bassiste, ouais. Pas la batteuse. Batteuse, je m'en foutais. La bassiste. Il est comme arrêté de me niaiser avec ça, la copine écoute le podcast. Ça, non, elle l'écoute pas. Non. Puis c'est pas grave, je le dirais pareil. Des jokes, de toute façon. Ouais. Ben, pas pour toi, là. Tu avais vraiment un clic sur... Mais le policier, il a des gros sourcils. C'est un des pires acteurs que j'ai jamais vu. Puis le nom du personnage, c'est Krueger. Puis le cadrage est vraiment chié, là. C'est toute la scène des policiers, là. Le cadre est vraiment acteur, ridicule. L'acteur est mauvais, puis il y a des astis de gros sourcils poilus. C'est dégueulasse. Ouais. Non, mais c'est ridicule, là. Quand la fille, elle rentre, là, on a la grosse face du... Non, c'est juste de dépenser les taxes, blablabla. Bla, bla. Lui, il est à chier. L'autre est à chier. Puis dans le cadrage, on voit son dos, puis qui cache les autres acteurs. En tout cas, c'est comme... What? C'est quoi ce plan bizarre, là? Puis au téléphone, plus tard, quand t'appelles la police, il veut rien savoir. C'est comme... Non, tu me déranges, tantôt, je veux... Et il écoute pas. Déjà, en temps, il apprenait pas au sérieux en rentrant. Il est là avec son espèce de gros sourire à l'agent du jardin, puis il est comme... Ah ouais, elle est où, votre copine, là? Elle est plus dans le bain, vraiment. Comme, il est déjà en train de se foutre de leur gueule. Les deux policiers ont même pas l'air sérieux. Au début, t'as l'impression que c'est quasiment... Il faudrait qu'il fasse un spin-off sur ce personnage-là pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il déteste les adolescents. Finalement, moi je vote. Commandant Krueger. Mm-hmm. Mais moi, la force, je trouve, de ce film-là, il a What the Fuck, c'est son tueur. Puis c'est ça qui fait que j'aime autant parce que. Est-ce qu'il est le fun? Moi, je le trouve tellement le fun avec ses répliques, ses danses complètement chorégraphiées. Son rire qui apparaît à tout bout de champ. Son rire à tout bout de champ, sa chanson, sa... Puis tu sais. Si Vicky trouvait que le premier film était un genre de cut interrompu au niveau des meurtres, Ben, c'est crissement pas le cas ici, parce que oui, ça prend peut-être 50 minutes avant que ça arrive, mais les 20 dernières minutes, ça, moi, personnellement, je trouve que le film arrête plus, puis le tueur arrête pas de driller tout le monde à travers leur corps, ça gicle, puis le ouais, gars, mais... un peu de bord puis de l'autre. Là. Je sais pas, rendu là, je suis comme plus capable d'apprécier les meurtres, je suis juste comme... Hein? Il sort de ses rêves, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il danse, il chante, il lance des répliques qui sont des paroles de toune, des titres de toune. Là, t'es comme... je sais même plus. Puis le montage est tellement merdique, mais merdique. C'est un des pires montages que j'ai vu depuis longtemps. Vraiment, c'est enfin. C'est dégueulasse. J'avais l'impression d'être seule, trouver que le montage puis le cadrage, écoute, ça s'enchaînait mal, puis les plans étaient bizarres. Les personnages n'ont pas l'air de se regarder. T'as même pas l'impression qu'ils sont dans les mêmes pièces. T'as l'impression qu'il y a des ellipses de temps, tu sais. Écoute, je la regarde là pendant qu'on se parle. Là. Il a rentré la drill dans quelqu'un. La fille, elle a réagi. Puis après ça, tout de suite, la drill est sortie là, dans les airs. T'es comme, voyons donc, t'es encore en train de transpercer une seconde avant, tu sais. Puis, tu sais, des fois, t'as juste l'impression que c'est des acteurs qui regardent la caméra. Il n'y a jamais quelqu'un d'autre de l'autre bord qui lui donne la réplique. Toute la scène où il fait son numéro de danse, là, puis que la fille essaye d'ouvrir la porte, là, je la regarde puis je fais, ouais, mais il est-tu dans le même couloir qu'elle? Des fois, je regarde une porte, je fais, ouais, mais je pense que c'est cette porte-là qui est supposée d'être, puis il n'y a personne. Puis là, non, la caméra se tourne. Mais là, tu fais, ok, non, mais d'abord, elle est de l'autre bord. Non. D'après moi, elle n'est pas là. Puis là, tu fais, ouais, mais il y a combien de portes dans ce couloir-là? Ça aucun sens à quel point le montage est tout croche. La réalisatrice te dirait peut-être que c'est pour accentuer l'effet de rêve, mais bon, j'adhère pas à ça, là, mais je fais juste dire ça. Ouais, non, mais ben, rendu là. Non, c'est de l'incompétence, je pense. Ouais, non, vraiment. Je veux dire, ouais, même ça... la passe, le poulet, il l'attaque. Elle crisse le poulet en plein milieu de la cuisine. Puis quand on revient pour voir que le poulet était pas vivant, le plancher est tellement mal fait que tu sais même pas où le poulet dans le cadre. Non, tu regardes, tu fais comme... Ils réussissent... C'est quoi qu'ils essaient de me montrer? Ah, OK, une dinde congelée, c'est ça? Tu sais, je veux dire, c'est tellement mal fait que tu vois même pas le poulet. Je veux du poulet. Mais quand les deux filles se sauvent à la fin dans la bâtisse en construction, puis ma belle bassiste, elle perd pied, puis qu'elle tombe, puis l'autre, elle l'attrape à bout de bras. J'étais comme, il fallait que je recule. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là, c'était mal fait aussi, ce montage-là. C'est épouvantable, ça passe là. Oui, t'as raison. Ça passe là aussi. J'ai comme fait, ouais, comment qu'elle a fait pour l'échapper? C'était, ah non, c'est. Elle l'a échappé à partir du moment qu'elle a allumé la caméra. Elle l'a échappé. Ouais, exact, ouais. C'est ça. À un moment donné, il faut juste que rendu un point, tu fasses comme, ok, fuck, j'abandonne. Puis moi, c'est ça que je fais à chaque fois. C'est comme j'abandonne, j'essaie pas de comprendre ou d'analyser rien. Puis je me laisse juste porter par cette espèce de what the fuck. Là, c'est vraiment du so bad, it's good à fond la caisse sur toute la durée du film. Là. Je veux dire, son numéro de danse avant de monter en haut, deuxième étage, avec sa chanson. Puis j'ai quasiment juste envie de me lever puis de danser. Moi, j'embarque dans le trip. Puis avec ces espèces de one-liner, de chansons rock classiques, là. De I get no satisfaction. Quand il est dans le char en arrière, puis qu'il fait Dedicated to the One I Love, qui est un type de chanson aussi. Oui. Ça n'a aucun sens, tu sais, là. Il n'y a rien pour décrire ça. C'est la première fois que j'ai vu ce film-là, j'avais rien lu. Puis j'avais vu le premier, j'avais adoré, puis je me suis dit, on va écouter le deuxième, ça va sans doute être dans le même genre. Non. Puis c'est ça que je trouve cool avec ce film-là, c'est. Juste un coup de poing sur la gueule de claque dans le sens que ça te prend au dépourvu, puis j'ai eu du fun avec ce dépourvu-là. Tandis une chance qu'ils nous disent que c'est la sœur du premier, là, parce que il n'y avait rien. C'est même pas la même actrice. Fait que... Ouais, c'est ça, là, tu sais. Mais ça, j'ai lu que j'ai lu des entrevues avec les actrices, puis qui ont dit que ça, le film a starté. Quand ils ont starté le tournage, c'était d'autres choses. C'est qu'en cours de tournage, ils ont changé, puis ils ont transformé ça ensuite de Slumber Party Massacre 2. Parce qu'au départ, c'était autre chose. Puis l'actrice principale. C'était Jem vraiment... et les hologrammes, c'est L'actrice principale était vraiment fâchée. Celle qui fait Courtney était vraiment fâchée de ça qu'ils aient changé le scénario. Elle voulait pas que ce soit une suite de l'autre. C'était pas là-dedans qu'elle s'était engagée, elle. Non, mais c'est vrai. T'es en train de tourner un film, en plein milieu du film. Hey, by the way, gang, on tourne autre chose. Mais ça, c'est Roger Corman. C'est son genre. T'sais, c'est Roger Corman qui fait n'importe quoi dans sa production. Là. Comme, il est tout à fait du cinéma cheap. Là, c'est tout le temps ça. C'est comme si quelqu'un disait, ouais, on ne croit pas assez au film qu'on est en train de tourner. Fait qu'on va tourner une suite, comme ça on a à peu près de chance d'avoir du monde qui vont l'écouter. Ben c'est tout à l'appel pire, de l'argent aussi. Tu te dis, ben le premier a pogné un peu. Ben, il a pas pogné au cinéma, mais il a pogné en vidéo. Fait que, ouais, let's go. On en fait une suite, tu sais. Ben là, s'il y a un 3, ça veut dire que celui-là, il a eu du succès devant. Même chose, il n'y a pas eu de succès au cinéma, mais il y a eu succès en vidéo. C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai de la misère, moi, avec le deuxième. J'ai de la misère à embarquer déjà dès le départ parce que. Who the fuck is le tueur? C'est qui ce gars-là? Puis qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire-là? T'sais? C'est même pas le tueur du premier. Il y a une drill, mais c'est même pas lui. Si au moins c'était le tueur du premier qui la hantait dans ses rêves, comme à un moment donné il se matérialisait, tu fais comme ah, cool, ok, je vois le lien. Là, t'sais. La scène de danse est drôle, mais t'sais, j'ai encore de la misère. C'est qui ce gars-là? Je peux-tu savoir, avoir un petit bout d'information, quelque chose? C'est qui ce gars-là? Il me faisait penser un peu. Mais c'est dans l'autre style, là, mais ça me fait penser un peu à Brain Scan. Parce que, vous rappelez-vous avec Edward Furlong? Oh ouais, mais j'essaie de voir... Tu sais, le personnage qui sort du jeu, là, qui était comme, ben, il est-tu réel? Il est pas réel, il trippe sa musique, il fait des danses, il est un peu freak. Tu sais, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Ouais, mais la maquette finale n'est pas censée répondre à cette question-là? Oui. Ben oui, la finale, le punch à la fin, là, le twist. Mm-hmm. Qui enfonce une maquette avec ta drill, là, tu sais, puis... Finalement, Steb, il a investi en 10 minutes, là, son film. C'est ça, ouais, mais non, c'est parce que j'ai pas remarqué qu'il y avait une maquette, là. Continue, je regarde. Ah, mais c'est quoi la twist avec ça? C'est une maquette. Ah, oui. Ah, oui, c'est sûr que c'est une maquette. Ben, la twist, c'est que tout le film, on peut interpréter ça comme étant... Spoiler alert! Tout ça, c'est un rêve. Mais en fait, c'est un rêve. Non, c'est pas un rêve, la fille est folle. Puis qu'elle n'a jamais vécu ça. Paul est à l'asile. C'est elle qui est à l'asile, c'est pas sa sœur. Ben, peut-être que sa sœur est là aussi, mais. C'était. Le pire, c'est qu'elle se réveille, son chum est encore là, tu fais comme, ah, chut, tabarnak. Puis là, son chum devient le tueur, puis là, elle s'en réveille encore, puis là, elle est dans l'asile, là, t'es comme, oh, calice. C'est un rêve dans un rêve, mais finalement. Elle n'est pas dans un asile, elle est dans une maquette. Ouais, c'est du. Moi, je décroche pas, man. Ça m'a tellement fait chier comme maquette cheap, là. C'est de toute beauté, la chaise à côté. Mais à côté mais tu sais, c'est de toute beauté. Tu sens que c'est du carton qui perce. C'est comme, oh my god, c'est gênant. C'est ça la beauté du nanar. Et je sais pas, j'aime pas ça me faire cheater comme ça à la fin d'un film et me dire, ben tout ce que vous avez vu, c'était pas vrai. C'est comme, va chier. Non, plus. En même temps, ça peut pas être vrai. Je peux apprécier la ride d'une heure et quart, mais une heure et dix, mais je sais pas. Je suis vraiment embêté par ce film-là. J'ai pas assez d'infos sur le tueur. Ça peut pas être vrai. Ce tueur-là peut pas être vrai. Fait que ça peut pas finir autrement. Fait que c'est même pas un punch. Moi, je trouvais que c'était d'une évidence. Puis j'étais comme, ah, ok, tu vas nous le montrer comme ça. Ok, c'est correct. Ok. Non, je comprends. Ah, ben, je sais pas. Moi, je voulais avaler l'histoire que son tueur, finalement, il se matérialisait à travers ses rêves. Là. J'étais prêt à y croire. C'est parce que vous réfléchissez trop. Si vous réfléchissez. Si vous voulez absolument réfléchir à ce film-là, vous allez finir frustré puis être en crise après le film. Mais si vous vous laissez juste porter puis faire gaffe, fuck it, je me casse plus la tête, ben c'est juste le fun. Oh oui, c'est sûr que si j'avais à le réécouter avec des amis, je serais le premier à faire des jokes pour désamorcer tout ça puis m'assurer qu'ils prennent pas trop au sérieux. Mais, t'assurer que personne s'endorme pendant les 40 premières minutes. Tu sais, mais après avoir vu Slumber Party Massacre 1, là, tu regardes lui, t'es comme. Qu'est-ce que j'écoute? Puis justement, ben là, on est en train de savoir que c'était peut-être pas une suite. Non. Mais... c'était le tueur fantôme. Tu sais, si la seule explication du tueur, c'est parce qu'elle joue dans un band de rock, puis qu'elle rêve à un tueur qui joue du rock, c'est comme ses poches en esti. Je sais pas. On n'aura jamais d'explication à ça. Non, moi, j'ai même pas cherché d'explication. D'après moi, Roger Corman, il sait, lui. Il sait tout, là. Ouais, il a sûrement réfléchi à ça pendant longtemps. Non, je dis pas que c'est important. C'est pas important de savoir la raison. Je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment trop bizarre, ce film-là. Tu l'as dit toi-même, Steven. Gros, tu l'as. Gros, what the fuck. Tu l'as dit sur Facebook aujourd'hui. C'est un ovni, là. Mais je sais pas. Ah oui. Je suis embêté par ce film-là. J'ai pas eu de plaisir, puis j'ai pas ri, puis j'ai pas fait des what? Tu sais, où est-ce que je me suis exprimé de très fort dans mon salon. Les effets spéciaux sont bien. Ouais. La face de la fille avec la face qui explose, c'est bien fait. Bien fait. On s'entend, là. C'est pas la meilleure chose que j'ai vue, mais c'est correct. T'sais. Moi, j'aurais aimé un mix des deux. Tu sais, j'aurais aimé les personnages du 2, dans l'ambiance du 1. Mm-hmm. Sauf le tueur. J'aime que dans le 1, il n'y ait pas un vrai slumber party. C'est ça la joke, là, c'est qu'il n'y a pas un vrai slumber party de genre on se chicane avec des oreillers puis qu'on chante puis on fait des chorégraphies. C'est ça. Dans le premier, ils ont vraiment été dans le deuxième, ils ont été dans le cliché. Puis c'est comme s'ils n'ont pas compris la joke du premier. Là, ouais, c'est ça. La joke du premier, c'est qu'on va à l'encontre du cliché. On va vraiment à l'opposé. T'sais. Mais c'est ça que je voulais dire au départ quand je disais que c'était un film incompétent. Oui. C'est ce que c'est un film incompétent qui réussit pas à faire ce qu'il veut vraiment faire. Il comprend pas la joke du premier. Mais en même temps, le premier l'a mal exécuté, sa joke, là, mais. Dans l'ensemble, j'ai vraiment l'impression que quand ils ont canné le film puis que ça a été funny, là, ils ont tu fais comme. Bof! Ah, du coup. Tu sais, là. Yeah, bravo, gang! Tu peux juste comme faire. Ah, ok, c'est funny, là, regarde. Ok. That's a wrap! Ouais, c'est ça. De toute façon, est-ce que vous le réalisez, un tueur qui ressemble à John Travolta avec une guitare, avec une drill, qui fait des chorégraphies avant de briller le monde, je veux dire, c'est débile. C'est débile. Non, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Mais oui, moi, je te l'ai dit, c'est un excellent divertissement. Je me suis plus divertie à cela qu'au premier. Vraiment. Vraiment plus. Pour plein de raisons. Puis, tu sais, je sais pas, moi, je trouve ça con qu'ils dansent devant la caméra, mais j'ai grandi avec Clouless, fait qu'ils dansaient tous devant la caméra pour rien, tu sais. Ouais. Ben, tout le temps en train de faire des solos n'importe où. Tu sais, à un moment donné, il est en haut du toit, puis il est juste là. Mais tu sais, je pense que j'aurais voulu que le pacing du film soit différent. J'aurais aimé ça que ce soit pas les 20 dernières minutes, tu sais. Rendu aux 20 dernières minutes, il était rendu trop tard. C'était trop tard pour que le So Bad It's Good embarque vraiment. Tu sais, le So Bad It's Good, il est saupoudré un petit peu de temps en temps. Là, le gars qui capiche Jean Piscine, la main dans le sandwich, le poulet, la tête. Non, ça, c'est quand même un bon 5 minutes intense. Là. Ah non, j'étais plus, là. Je strippais plus, là, maintenant. Non, mais je parle de la danse avec les filles, là. Ouais, je sais. Ok, tu strippais déjà plus rendu. Ah non, je veux dire, je strippais plus. Après 5 minutes, je veux dire, c'est long, là. Puis là, tu fais comme, ok, tabarnache, là. Tu sais, fait que... Non, c'est ça. J'aurais voulu des trucs de tueur qui arrive plus tôt, je sais pas. J'ai lu quelque chose qui disait que le film, selon l'auteur, que je me souviens plus ce que j'ai vu ça, mais l'auteur disait que selon lui, le film était une sorte de métaphore sur la peur des femmes, la peur des jeunes filles à avoir du sexe, puis la pénétration, puis tout ça, la première relation sexuelle. Puis il y a ça un peu dans le personnage de Courtney qui pense souvent à son gars, qui est à moitié nu, tu sais, elle rêve à lui, mais en même temps, elle a jamais eu de sexe, puis elle a peur un peu de ça, puis elle en parle. Je pense qu'il y a une couple de dialogues où il y a des références à ça qu'elle l'a pas encore faite, puis que c'est une crainte qu'elle a. C'est tiré par les cheveux, puis ça marche pas comme dans le premier film, là, le sous-texte, là, ça marche pas pantoute, mais... Ça, c'est voir ce qu'on veut voir des fois aussi. Là. Je pense pas que le film ait vraiment l'intelligence d'avoir un message comme ça. Là. Ouais, je pense comme Steven. Ouais. Mais tu sais, non, mais je dis pas, Jeff, que c'est ton opinion, mais plutôt tu rapportes. C'est pas mon opinion, là. Non, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est ça, c'est que c'est vouloir rattraper son film. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est vouloir rattraper des erreurs de film. Comme tu disais tantôt avec mauvais montage, ouais, mais c'est un rêve. Non, non, on peut pas mauvais tout excuser là-dessus. Fait que c'est la même chose. Inception a un très bon montage, tu sais. C'est la même chose là-dedans. T'sais. Tu peux pas excuser en donnant une théorie. Ah, non, c'est je pense ça, que c'était juste quelqu'un qui analysait le film, c'était pas quelqu'un qui a travaillé sur le film qui disait ça. Là. Je pense que c'est juste quelqu'un qui essayait de trouver une analyse, là, mais peu importe. Fun fact, on voit dans le film les filles qui regardent le film Rock'n'Roll High School, un film de 79 réalisé par Jim Wynorski qui met en vedette les Ramones, un film classique que personnellement je n'ai jamais vu. La réalisatrice de Slumber Party Massacre 2, Deborah Brook, en 91, a réalisé la suite de ce film-là, Rock'n'Roll High School Forever, avec Corey Feldman. Le fameux Corey Feldman. Et donc, c'est juste ça que je voulais dire. Elle n'a pas fait grand-chose d'autre de sa carrière, en fait. Elle a juste fait 4 films ou 5 films, je pense. Puis c'est des petites affaires mineures. C'est tout ça qui a poussé Corey Feldman à nous sortir cet excellent hit cette semaine? Probablement, oui. Le souvenir de Rock'n'Roll High School Forever, 25 ans plus tard, sûrement. C'est pas si pire, la toune. On se lancera pas là-dedans, je pense. Go for it! Tu veux-tu nous faire la danse? Je me suis pratiqué tout à l'heure pour vrai. Pour nos boss. Hein? Il va se déguiser en Corey Feldman à l'Halloween. Honnêtement, on va pas embarquer dans le gros sujet de Corey Feldman, mais honnêtement, moi, je trouve que ça fait pitié, toute cette affaire-là. Puis j'ai de la misère quasiment à en rire, honnêtement, avec tout ça. Là. Parce que je sais pas si tu as vu la vidéo qu'il a faite en direct par la suite à les médias, puis tout ce qui a été dit sur lui, là, mais il était pratiquement dépressif sur la vidéo live sur Facebook. Là, puis j'étais comme, ok, rendu là, c'est même plus drôle, là, honnêtement. Là. Ouais, mais quand tu fais des conneries à ta vie, faut que tu t'attendes à être critiqué aussi. Ah, mais il va pas dans sa tête, là. Tu vois bien que ça fait longtemps qu'il est plus là, là, ce gars-là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Il y a du monde que ça vaut même pas la peine de rire parce que ils sont pas connectés avec leur propre réalité, là. Je comprends ce que tu veux dire, Steven, là. Tu sais, à la limite, t'arrives sur le stage avec une guitare puis une drill, puis là, je vais m'amuser avec toi, là, mais c'est pas vrai. Hey, la réplique de la guitare, 500$ hein, sur Etsy, sur trop quel site. J'ai ouais, regardé ma blonde à la pète. Hey, non? Tabarnak, si tu m'avais dit que tu t'achetais ça, Steven, j'aurais dit ça. Non, mais ça serait malade, tu me verrais-tu avec la grosse guitare, ouais! Accroché sur ton mur. Ben écoute, Steven, je pense que je me questionnerais. Ouais, t'aimerais pas si tu m'avais dit j'ai payé 25$, j'aurais dit clair, cool. J'ai payé 500$, Seb. Non, Steven, non. Même notre Patreon ne vaut pas ça. Même notre Patreon ne peut pas parrainer ça. C'est trop exagéré. Non. Pour investir là-dedans. Non, donnez pas 500$ pour que Steven achète ça. Ça vaut pas la peine. De côté, ça va devenir l'emblème de Rock Gamer, la guitare. Ouais. Il y a un bouton de don là, sur le site, là, mais utilisez pas pour ça. Exactement. S'il vous plaît. Bon, ben, la recommande... James, lui, qui me montre ça. Vos recommandations, tout le monde? Une location, même sur iTunes, ouais, ça vaut la peine de le voir, ce film. Pour vrai, là, il est tellement space, il est tellement étrange. C'est quelle année, le film? 87. Pourtant, je trouve qu'il reflète gros les années 90, Beverly Hills, puis Melrose Place, puis tout ça. Mais avec un slasher. Mais je trouve qu'il fait vraiment Los Angeles, les séries américaines de cette époque-là. Mais avec un slasher. Mais pas tant, parce que c'est juste 20 minutes. Fait qu'en tout cas, ça vaut vraiment la peine. C'est une location. Si vous aimez les séries de cette époque-là, là, vous allez l'aimer, le film, je pense. Ensuite, il y a le pastel. Qui d'autre? Qui avait parlé en premier? Qui avait parlé en deuxième? Ben, il y avait plus d'ordre, je pense, à un moment donné. Plus d'ordre. Pas grave. Seb va tout briser, ça. Là, ben, Seb. Ouais, Seb, vas-y. Excuse. Moi, je dirais quand même une location, mais pas seul. Avec d'autres mondes, là. Ou pas fatigué, genre. Ouais. C'est quelque chose à avoir du plaisir et non juste à apprécier ça. Je pense que c'est. Non, ça marcherait pas. Steven? Ben, c'est vraiment pour un public averti, là, parce que moi, je dis automatiquement Collector Edition. Parce que oui, il est disponible dans un coffret DVD avec les 3 à 20$, ce qui vaut la peine. Mais dans pas long, Scream Factory sort le Blu-ray Double Feature avec le 2-3 que je vais assurément m'acheter. Oui, c'est sûr. Parce que moi, j'arrive à triper avec Slumber Party Massacre 2 tout seul. Fait que si vous êtes amateur de slasher et de nanar, ben honnêtement, vous pouvez pas passer à côté de ça. C'est un phénomène unique qu'on n'a jamais vu ailleurs. Puis honnêtement, moi, c'est du bonbon. À chaque fois que je l'écoute, j'ai du fun. Là. Moi, j'irais avec une location parce que c'est un film étrange qui c'est le fun à voir une fois. Je ne le reverrai peut-être pas une deuxième fois, mais c'est le fun à voir une fois. J'ai préféré le premier, mais le 2 est quand même le fun. Petit détail, si j'ai fait ma job comme du monde au montage, vous avez entendu pendant le segment des tunes du groupe Wednesday Week, qui est le groupe qui a fourni les chansons du faux groupe dans le film. Fait que je voulais juste mentionner, si vous entendez de la musique, c'est ça que ça vient. J'ai écouté leur album au complet, ils ont juste un album. J'ai écouté l'album au complet sur Spotify. Ça dure peut-être 45 minutes, puis t'as l'impression que c'est tout le temps la même tune qu'ils jouent, mais c'est intéressant quand même pendant quelques instants. Là. Pendant 2-3 tunes, c'est le fun, puis après ça, m'en est tout à cœur, mais c'est ça. Fait que, pendant 5 minutes sur les 45, c'est quand même le fun. Ben, pendant 2-3 tunes, tu fais « Ah, c'est cool », puis après tu fais « Chris, tout le temps mes petites tunes. » C'est très drôle. Toujours pareil. Là-dessus, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rien d'autre. Je pense qu'on va aller tout en musique avec Emmanuel qui va nous recommander une deuxième chanson. Hey, salut, c'est Manu du podcast Metal, Radio Enfer 666 pour l'interlude musical. Donc, on s'en va en écoute avec une chanson de Pantera, Strength Beyond Strength, qui est sur l'album Far Beyond Driven de 1994. La pochette, à la base, était une drill qui rentrait dans un anus, mais comme c'était un peu trop explicite, On l'a changé pour un Radio X d'une drill à l'intérieur d'un crâne humain, ce que l'on retrouve beaucoup dans Slumber Party Massacre. Donc sans plus attendre, que le party recommence. You're working for perfect price, perfect class, perfect name and some healthy. To legalize some of your pristine streets, I'm making a fortune. You're muscling gold, naive and gross. I'm bold, brave and calm, they don't stalk over at all. Donc, on vous a demandé en ligne qu'est-ce que vous pensiez des films Slumber Party Massacre. Encore une fois, on vous l'a demandé un petit peu trop tard, fait qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses. Et la prochaine fois, on va essayer d'être plus discipliné et de poser la question plus d'avance, mais c'est ça de ma faute à chaque fois. Donc, Pascal Jacob répond « Bien aimé le premier. Je m'attendais à une comédie d'horreur, mais j'ai été surpris. Le film est assez sérieux. » Notre ami Sylvain Démenti, Pascal aussi c'est notre ami, hein. Notre ami Sylvain Démenti répond « Le tueur du 2 devrait être le tueur de tous les slashers. » Il rajoute « Aussi, c'est drôle de voir comment un film peut être tout aussi crasse d'exploitation quand c'est une femme qui réalise. » Alors, merci à Sylvain et Pascal de nous avoir répondu. La prochaine fois, on vous invite à répondre en grand nombre à notre question quand on vous la pose, et je vais essayer de vous la poser le plus tôt possible la prochaine fois. Merci beaucoup, et on retourne à la dernière section du podcast. Now it's time for the fun part. Hey, on est de retour pour la conclusion de l'épisode. Et donc, On va y aller avec nos recommandations de films slasher. Chacun va recommander un film dans le même genre ou quelque chose qui Slumber Party Massacre y a fait penser. Vicky? C'est pas, je commence par moi parce que je vais être la moins originale. Quoique, ça va, les gens prendront pas de notes, fait que c'est peut-être mieux comme ça. Parce que moi, c'est Freddy Krueger, le troisième volet de la série. Je suis vraiment pas originale, je le sais, mais les one-liners du tueur, son attitude, la scène dans le bain, le fait que les gens autour d'elle la croient pas puis qu'elle se croit folle, tout l'aspect du rêve, tout ça, moi, c'était Freddy Krueger. Puis le troisième volet a toujours été mon préféré de la série. Fait que je reconseille le troisième volet de la série, Nightmare on Elm Street. Sébastien? Moi, je vais faire plaisir à JF. Oui. Parce que moi, je suis allé, j'ai écouté ça, j'ai fait comme c'est tellement what the fuck. Ben, on parle du deuxième. C'est tellement what the fuck. Quel autre slasher était what the fuck pour certaines choses? Ah. Et Pieces. Avec son gars qui faisait du karaté ou je m'en souviens plus, puis avec le Brutus de Popeye, sérieusement, Pieces. Je dis pas que c'est un excellent slasher, mais il y a quand même des étrangetés dans ce Pieces qui m'ont fait beaucoup penser à Slumber Party. Allez écouter notre épisode sur Pieces, un film que j'ai beaucoup aimé. Oh, boy. Steven? Mon Dieu, que j'ai cherché à la dernière minute, Jeff, puis finalement, plus j'y pensais, puis c'est celui-là qui me revenait en tête, Sleepaway Camp, mais le 2. Parce que le 2... J'ai hésité, je suis contente de le nommer, j'ai vraiment hésité longtemps. Parce que contrairement au premier Sleepaway Camp, qui est comme un peu Slumber Party Massacre 1, un bon slasher, ben le 2 est crissement cheesy, over the top dans la nudité. Je pense que c'est un des films qu'on voit le plus de seins. Avec les Slumber Party Massacre. Puis le film sort des one-liners, puis t'as des moments what the fuck tellement cheesy que finalement je trouve que ça ferait un bon double feature, Slumber Party Massacre 2 puis Sleepaway Camp 2. Il y a un sérieux body count aussi dans le 2. Ah, oh, il y a des meurtres, t'en as à pelleter. Là. Ouais, ah non, Moutou, j'y ai pensé à cela. Hey, on t'aurait l'air fou parce que moi j'ai pas dit de qui je parlais, t'aurais l'air fou, j'avais dit ça finalement. J'ai changé de date dernière seconde, je prends ça. Ah, va chier! Dont une fille qui sort d'une balle de toilette. Ah, man, tout est bon dans ce film-là. Wow. Je dois avouer que j'ai jamais vu. C'est du gros. Moi non plus. Moi, je l'ai préféré au premier. J'ai préféré le 2 au premier. Moi, j'irais. Le premier est un meilleur film, puis le deuxième est plus le fun. Je dirais. Genre. Le premier est quoi? Le premier est un meilleur film, puis le deuxième est plus le fun. Ok. Ouais. Mais le 3, il est trop exagéré. Mais quand. Moi, je les avais écoutés les 3 dans la même soirée, puis pour vrai, c'est. Une belle trilogie qui ne se tient pas, mais qui est une belle trilogie. Ce qui est drôle, c'est que le 3 a été tourné en même temps que le 2, avec la même équipe et le même réalisateur, genre à une semaine d'intervalle. Mais les deux films sont pourtant loin d'être de la même qualité. Là. Vraiment? J'aime pas le 3, moi. Loin du maître du sujet aussi. Le 3, c'est un Halloween de... C'est-tu 20, l'Halloween avec, qui font un film dans la maison d'Halloween? Résurrection, ouais. Non, mais ce qui est weird dans ça, c'est que ça se passe dans un camp, mais c'est même pas être des jeunes, c'est avec du monde de désintox puis des trucs de même. C'est comme, what the fuck? Non, mais ça commence avec un 10 roues qui veut tuer tout le monde, là. Oh, non, mais elle est tellement pas subtile. Ah, je vais tuer une fille pour voler son identité, mais tu sais, elle essaie de la tuer avec un camion à vidange en plein milieu de la ville. Génial. Non, moi, je trouve que ces trois films-là se tiennent. Faut que ce soit un bloc uni. C'est tout? Excuse-moi, vas-y, J. Pas de problème. Avec moi, ma recommandation, j'y étais avec l'aspect féministe du premier film, de ce que ça aurait pu être. Moi, mon film, c'est The Final Girls, qui est sorti l'année passée, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, puis que lui aussi passait le test de Bechdel avec des femmes fortes. C'est ça. J'avais vraiment adoré ce film-là. D'amour. J'adore ce film-là. Ouais, je le recommande très fortement. Steven, vous autres au bras de fer, qu'est-ce que vous avez prévu? Rien pas en tout pour le moment parce que j'ai pas encore trouvé les deux films, Jean-François. D'accord. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Vicky, le gros dans l'écran ou la capsule? Non, la capsule, c'est vraiment la capsule Bistro Cinéma. On embarque dans une grosse semaine d'événements. C'est très drôle, au début du mois de septembre, il y a une conférence de l'Université de Sherbrooke qui est venue, puis à dernière minute, elle a dû être annulée. Puis il présentait le film The Hunting Ground. puis les conférenciers étaient là, puis je leur ai proposé le film Mourir à tue-tête à la place pour, en fait, pour mieux compléter la conférence, considérant que il n'y avait pas de conférencier. Et ils ont tellement trippé sur le film que je leur ai proposé qu'ils vont venir faire une autre conférence, qu'ils m'ont demandé de trouver le film, puis ils vont refaire une conférence avec Mourir à tue-tête. Fait que présentement, genre, à la capsule, c'est full d'événements. Fait que vraiment cool. Puis le prochain film d'horreur qui revient, c'est The Ring, le premier. Je m'excuse. Américain vraiment... ou... Quoi? Américain ou japonais? On met l'américain vendredi, le japonais le lundi suivant. Puis l'américain version francophone vendredi, le Ringu version japonaise lundi, et le mois prochain, The Ring version anglophone à quelque part dans le mois d'octobre. Okay. Tu mets les trois versions dans un sens. J'allais juste dire, j'avais vu l'événement Facebook sur ta conférence, puis ça va avoir l'air intéressant, sur les agressions sexuelles ou trucs comme ça, la violence. Ouais. Ouais, okay. c'est le mois de la sensibilisation envers les agressions envers les femmes. Le premier film, c'était The Hunting Ground. Ça se trouve sur Netflix. Si vous voulez le voir, c'est vraiment, vraiment bon. C'est sur le manque de considération sur les campus universitaires par rapport au... C'est très bon. Mais, c'est super poignant. Mais vu que... Ce qui est arrivé, en fait, c'est que c'est super, super poignant, là, j'ai rien contre, là, mais c'est des étudiants en droit qui organisent ces conférences-là, puis ils disaient « c'est super bon », mais quand je leur ai montré « Mourir à tue-tête », qui est un film québécois, ils ont dit « on se représente plus là-dedans », parce que ça parle du système judiciaire québécois aussi, ça parle du cas québécois. Puis là, après ça, ils m'ont demandé de créer une deuxième conférence avec eux, puis je présente « Statu quo », qui peut se trouver sur le site de l'ONF, puis qui parle... de l'évolution du statut de la femme au Canada. Et c'est très drôle parce qu'il y a des images d'archives. Entre autres, il y en a une, c'est la première femme au Parlement qui s'est levée pour dire « Il y a une femme sur cinq qui est battue par son mari. » Et tous les parlementaires se mettent à rire. Un gros rire gras dans toute la salle. Puis là, il est comme « Mais pourquoi vous riez? C'est pas drôle? » Puis là, il y a quelqu'un qui regarde son chum de gars puis il fait « Toi, t'as battu ta femme? Ha, ha, ha! » Puis là, il fait « Ah, oh, juste quand il n'est pas correct. Ha, ha, ha. » Puis il est comme « Mais voyons, c'est pas un sujet de plaisanterie. » Fait que Statu quo, c'est sur l'évolution du statut de la femme. C'est les deux conférences. Mais sinon, comme je dis, il va y avoir de l'horreur avec version japonaise et version américaine de The Ring, vu que le troisième s'en vient. Christy, c'est assez dégueulasse. Ouais. Puis The Hunting Ground, on ne parle pas ici du film dans lequel Sébastien joue. Non, et dans lequel ma blonde est le personnage principal où elle tue des zombies. Exactement. J'ai tenu 15 minutes. Il est disponible sur Viewster. Oh oui, écoute. Mais toi, Sébastien, as-tu quelque chose de nouveau dans ta vie de famille? Je vais vous parler des 31 jours qui s'en viennent. Oui, c'est vrai. C'est quand même dans deux semaines, les 31 jours d'horreur qui reviennent encore pour une troisième année. Et on va essayer d'avoir une programmation différente cette fois-ci, inspirée de certaines personnes, plutôt que d'avoir une thématique. Donc, j'ai bien hâte de voir cette programmation, de quoi elle aura l'air. Et encore une fois, on va vous inviter à participer avec nous, à écouter les films, les commenter. Encore une fois, on va faire tirer des prix plus que les autres années. Donc, c'est vraiment cool. L'événement grossit. Je veux vraiment que ça devienne quelque chose qu'on va faire à toutes les années avec Horror Gamer, puis que tout le monde embarque. C'est vraiment très, très, très trippant. Puis c'est toujours le fun parce que j'ai l'impression que ça amène des nouveaux fans à chaque année. Yes. Cool. Et je ne dis plus un mot de l'épisode. Ben, tu vas peut-être dire encore deux mots, un prénom puis un nom de famille, parce qu'on fait un petit shout-out à notre boss, Tommy Gagné. Salut, Tommy! Hello, salut, Tommy! Tommy Boy! Tommy est un des donateurs sur notre Patreon, fait que si vous voulez avoir un shout-out avec nos belles voix aussi, ben allez faire un petit don. Sinon, on va avoir un épisode, en un épisode passant, encore. Là, moi, oui? Moi, je refuse aucun don. Tu sais, l'épisode de Mike Ward où chiale que quelqu'un il a fait un don d'une scène, là, ben moi, je trouve pas ça correct. Vous pouvez m'en faire des dons d'une scène. Je vais être très satisfaite. Dans ta c'est face, cool. Mike Ward. Qu'est-ce qui arrive avec le concours pour les DVD? Oui, on avait parlé d'un concours, mais tout a été un peu chamboulé avec le concours de Blair Witch qui a pris beaucoup plus d'ampleur que prévu. On a reçu plein de billets des films de Séville, donc j'ai comme été un peu obligé de... Je peux pas mettre deux concours en même temps, donc le concours pour les DVD de Ash vs. Evil Dead et The Walking Dead se prolonge, donc se poursuit. vous allez sur rgamer.ca/concours. Sinon, là, on va le publier comme il faut sur notre page Facebook, on va en parler. C'est juste que là, ça faisait trop de concours, trop de publications, ça serait perdu dans, là-dedans, donc ouais. On ne veut pas virer fou avec ça. Et donc, c'est ça, courez la chance de gagner. C'est en allant voir dans nos critiques, là, parce qu'il y a une question pour ce concours-là. On veut savoir combien est-ce que Steven a donné au film Green Room. Puis en même temps, on vous invite à aller visionner un peu, ben pas visionner, c'est pas les films, mais aller consulter un peu, visiter notre section critique, critique écrite, qui commence à prendre de plus en plus de d'ampleur, mais c'est sûr qu'on essaie de la remplir à chaque semaine. On va te couper la parole là parce que t'as plus de voix. Ouais, t'as plus de voix. Pauvre Sébastien, fait pitié. Ben merci aussi au film Séville aussi de nous, pour les billets et tout ça, là, pour permettre de faire des concours comme ça, c'est vraiment cool. Oui, c'est entre autres eux qui vont nous fournir d'autres prix pour les 31 jours d'horreur. Yes. Puis ben c'est ça, on va faire un épisode régulier dans à peu près 2 semaines, ben, comme d'habitude, début octobre, puis que ça va être sur les films de Herschel Gordon-Lewis, en particulier 2000 Maniacs et The Wizard of Gore. Ça risque d'être intéressant. Et donc là-dessus, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Emmanuel pour les suggestions de chansons. Et on se retrouve bientôt. Là-dessus, gardez ça horreur. Bye! Bye! Bye, bye. Ça a été délayé, ça. Bye bye.